Avenger. Votre émission, si vous l'acceptez, est d'informer le monde entier sur la pop culture d'ici et d'ailleurs. Vous disposerez de casques, de micros et d'un rayonnement international avec la couverture d'une des stars. C'est pas un peu trop leur demander d'informer 8 milliards d'humains et de couvrir l'intégralité des films, des séries, des mangas, de la musique, des jeux vidéo, tout ça, tout ça? Bah, c'est les Peak Avengers ou c'est pas les Peak Avengers? Je crois que c'est un peu possédé quand même, hein, le matériel ces derniers temps. Non, non, mais c'est qu'il y a quelqu'un qui a touché au réglage, qui a voulu me piéger, et puis ben, ça a marché en fait. Hein. Oh, en ouais. Réalité, c'est pas ta faute, c'est la faute des autres. Bah, pour une fois, oui, c'est de la faute des autres, hein, je dois avouer. Donc, ouais. On peut voir à côté de moi, il y a Thierry ce soir qui est là. Salut. Thierry... Je suis en train de trier mes cartes. Mais c'est ce que j'allais dire. Je me tire les cartes. Je le dérange, le pauvre, il est en train de trier ses cartes. On a également Daniel qui est là. Eh oui, vous l'avez entendu. Bon, on m'a fait une blague, elle a marché, j'ai pas fait attention, bah bravo, mais je me vengerai. Oui, il a déjà fait, il aussi, mais bon, ça c'est pas très grave. On a non, mais justement, le fail, c'est une blague, hein, c'est que les réglages étaient bidouillés. C'est le fantôme d'Halloween. Oui, c'est ça, ouais, c'est ça. C'est, oui, bah, c'est peut-être lui, c'est ce qu'on va me dire. Ouais, je crois que t'as pas tort là. Oui, un petit peu en avance quand même. Donc ce soir, on est pour Peak Avenger. Comme d'habitude, c'est le rendez-vous du jeudi soir, c'est génial, c'est trop bien. Et ce soir, on fait une pika artiste, comme tu as appelé, Daniel. Une pika artiste, exactement. Hein, une pika artiste. Et qu'est-ce donc une pika artiste? Bah, je sais pas, moi. Ah, alors, donc, on va vous expliquer alors. Qu'est-ce qu'une pika artiste? Une pika artiste, c'est pas compliqué. C'est que, vos serviteurs ici présents... Kevin, Thierry, Lisa et moi-même. Serviteur, le mot est peut-être un peu fort quand même. Non, mais c'était pour faire sympa, hein, c'est tout. Hein. Ah, ouais. Alors j'ai rien dit. J'allais pas dire les connards ici présents quand même. Ah, hein. Bah, ça fait bien au service des auditrices et des auditeurs. Bah ouais, quand même. Hein, vos j'aime bien. Ouais, non, mais ouais. Hein. Faut quand même. Hein. Voilà, pas de doute. Hein. Il faut alors, embaumer la momie. C'est ça. Donc qu'est-ce qu'une pique artiste? Une pique artiste. C'est comme je disais, donc... excuse-moi, j'étais en train de faire autre chose en même temps. Alors, si tu fais deux choses en même temps, déjà, tu as du mal. Si tu te mets à deux, non, ça va c'est pas que on s'est aperçu qu'on avait tous des talents qu'on peut qualifier d'artistiques. Oui. Alors, on s'est dit, comme c'est le début de la saison pour la partie spéciale artiste, on s'est dit que ben, les artistes, ça allait être nous, ça allait être les Peak Avengers qui allaient devenir les Peak Artistes. D'accord. Voilà. Moi, ce que j'aime bien dans le mot pique artiste, c'est un peu, tu vois, c'était un apéro et on pique un petit peu partout dans toutes les assiettes, dans tous les arts. On va aller voir un petit peu ce qu'on aime, ce qui nous concerne. Et on prend un petit peu de tout. On va essayer de faire le tour de tout et le tour de nous. Oui. Complètement, complètement. Donc, évidemment, nous sommes en live sur Twitch. Donc, si vous avez des questions pour nous, n'hésitez pas aussi, vu qu'on est là pour y répondre. Et on vous posera aussi des questions. Il faudra essayer d'y répondre, bien c'est sûr. C'est ça. Vous pouvez nous appeler aussi au Daniel, c'est quoi le numéro? Au 09 70 407 306. Oui, vu que je suis une fraude, je ne connais toujours pas le numéro. Ouais. Et moi, excusez-moi, moi, je continue à faire autre chose façon, en même temps. On te voit pas faire, donc t'inquiète pas. D'accord, non mais on m'entend par contre. C'est l'occasion de rappeler pourquoi tu dis ça, parce qu'en fait, nous apprenons à faire de la radio tout en en faisant. C'est ça. Voilà, tout en en faisant. Putain, ça, c'est beau, c'est bien beau, ça. C'est bien dit. Hein. Nous ne faisons pas du fake. Voilà, non. Complètement. Mais nous faisons des vraies émissions diffusées réellement. Nous ne faisons pas du réellement. Fake, mais nous faisons du fail. Et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et qu'on progresse. La preuve, qu'on apprend à en faire d'autres. Alors, pour répondre, j'en profite, vu que sur le chat, on nous a demandé pourquoi Pika Artiste. C'est qu'en fait, une fois par mois, on va recevoir des artistes. Donc, on avait pris Pika Avenger, vu que c'est le nom de notre émission toutes les semaines, donc Peak Avenger, et on a rajouté le artiste après. Comme voilà. Ça fait un peu... Ça fait autre chose, quand même. Alors, on est toujours des vengeurs, mais en plus, on est artiste. Kevin, oui. Comment ça s'appelle une émission qui est diffusée une fois par semaine? Une hebdo. Ouais, bravo. J'ai failli bugger en plus. Je voulais savoir si t'avais évolué depuis la semaine dernière. Non, mais ouais, ouais. Tu sais que le pire, j'ai failli redire Quotidienne en plus. C'est ça le pire. Oui, mais tu as réfléchi. Et c'est à force de regarder des émissions qui s'appellent Quotidien ou Quotidienne, peut-être à la télévision. Non, je regarde pas spécialement. D'accord, la télé. D'accord, parce qu'il y en a plusieurs. Oui. Donc oui, donc ce soir, donc, comme t'expliquais Daniel, les artistes, c'est nous. Oui. On a tous un côté. Oui, tous un côté artistique. En plus, personne ne fait la même chose. On va juste faire une petite parenthèse avec un artiste qui veut rester anonyme, mais dont on va présenter ses réalisations. D'ailleurs, vous pouvez les voir À l'écran. Là, à l'écran. C'est nous. Ouais, c'est nous les réalisations. Actuellement, on peut voir le kart de Mario, si je me trompe pas. Voilà, Mario 64. D'accord. Voilà. Alors, il tient à rester anonyme. Donc on va respecter ça. Mario tient à rester anonyme. Remarque, voilà. Je dis ça, mais derrière toi, tu feras gaffe, t'as une petite invasion, je crois, qui se prépare. Ouais, aussi. Ah oui ? Oui. Ah oui, c'est vrai, oui. Mais on le montrera de plus près tout à l'heure, quand on... Hein ? Oui, bah... Ouais. Oh, le décor est sympa. Un petit peu au long de l'émission, c'est très bien comme décor. C'est très bien. Oui, je vais quand même expliquer ce que c'est. Parce que je vois que j'avais pas compris ce que tu voulais me dire. C'est un défilé de bonbons, toujours dans le jeu Mario. De bonbons qui passe devant le roi bonbons. Oui. Donc il y a toute une réalisation. Et c'est encore basé sur Mario 64 parce que. Ce que l'on voit derrière le roi bonbons, c'est en fait la montagne du premier tableau, je crois, de Mario 64, de Super Mario 64, si je me rappelle bien. D'accord. Alors, tu as un conseil de la part du chat, on me dit, fais gaffe, ça peut faire boum à côté de toi. Ça peut, oui, c'est pour ça que je vais éviter les provocations. Hein, et si c'est de la nitro ou quoi que ce soit, que c'est assez... assez instable, quoique la nitro, c'est pas... C'est très acidulé. Oui. Ça risque d'être très acidulé si ça explose, en effet. Juste... merde, c'est l'autre bras. Juste là, de notre côté, avec Thierry, on peut voir la banane de Mario également, de Mario Kart. Ah ouais. Oui, exact. On a la banane. Bah, c'était normal, dans les Peak Avengers... Ouf, je me suis pas assis dessus. C'est bon, nickel. Ouais. Oui, donc la banane de Mario Kart. Hein, oui. Voilà. Il y aura deux... Ouais. Le kart, la banane, c'est bon, il y a la totale. Ouais, ça roule. Je suis autorisé quand même à parler un petit peu de ses méthodes, enfin, ses inspirations, comment il s'inspire, comment éventuellement il s'y prend. J'ai pas le droit de révéler certains secrets. Il y en a, je les connais pas, donc ça va être un peu difficile. Oui, donc ça va être compliqué. Ouais. Est-ce que c'est basé sur du recyclage ? Ça peut. Alors, ce que je te propose... Ah si, il y en a, oui, ouais. On écoute une musique et on revient juste après. Oui, alors, écoutons... Griffin, Reckless. C'est un peu mieux quand même. En tout cas, c'est sur Indestar. Just a new heart, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Alors, tu feras gaffe, t'as lancé l'autre musique encore. Allez-y. J'en profite pour répondre au chat. Donc, nous, notre émission, oui, c'est tous les jeudis. tous les jeudis soirs de 21h jusqu'à à peu près 23h, il arrive qu'on déborde un petit peu, vu bah forcément on s'étale et on prend quelques libertés. Donc oui, il y a ça. Autrement, des fois il y a le vendredi des émissions spéciales qu'on appelle, donc qui ont plusieurs thématiques. Donc là, la semaine dernière, c'était sur l'automne. Le mercredi, il me semble que c'est une fois toutes les deux semaines, il y a une émission La Classe. Et c'était pas une fois par mois? Oui, mais il y a avec la rediffusion. Oui, c'est avec la rediff aussi. Oui, c'est pour ceux qui ont raté les cours, en fait, qu'il y a une rediffusion. Hein. C'est ça. Oui. Mmh. Oui. Alors, ce fameux fabricant d'objets inspirés de la pop culture, oui, qui se fait appeler Sensei 3D. Il paraît. Oui, ce qui me... Je savais qu'il manquait quelque chose. Voilà, aïe, non mais aïe. Je suis un peu perturbé au départ. Hein. Ah ouais. Voilà. Mmh. Qui se fait appeler Sensei 3D et il crée des objets inspirés de la pop culture. Alors ça peut être des fabrications comme vous pouvez le voir. Alors là, c'est toi qu'on voit donc. Oui, oui. Alors, donc on va montrer le défilé. Hein. Alors. Défilé de bombes. De bombes. Ça a failli mettre un coup à Lisa aussi, ouais, au passage. Ouais, non, bah, ça va. C'est pas grave, on aurait su qu'elle était vivante, au moins comme ça. Alors. C'est tiens, sympa, Daniel. Tiens ça, Lisa. Alors, ça. Voilà, ça se présente comme ça. Vous avez le roi Bobombe. Voilà, qui. Voilà, c'est son défilé. Ah, c'est le roi, oui. Ouais, c'est le roi qui inspecte. Ses troupes. Ses troupes, voilà. C'est hein, ça. Il y a le défilé. Droite-gauche. Ouais. Alors, il y a 16 bobons, je crois. Alors, pareil, comme toutes, voilà, elles sont pas parfaitement identiques. Hein, c'est là où on voit. Ouais, 16. Voilà. Et là, justement, sur, comme je disais tout à l'heure, le roi Bobombe, il est devant sa montagne, la montagne sur laquelle on le trouve au début de Super Mario 64, donc de la console Nintendo 64, qui est représentée derrière. Il y a. Bah, c'est quelqu'un qui fait quand même d'autres choses. Alors, on voit aussi le kart de Mario 64. Ah, si, on le voyait de l'autre côté aussi. Ah, c'est chouette quand même. Hein. Mmh. J'étais en train de me dire que pour Halloween, qui veut des bonbons, Bob? Alors, j'ai ramené que quelques objets. Mais donc, il y a cela. Il y a beaucoup d'objets de l'univers de Mario Kart qu'il a fait. Et qui sont inspirés de. Et qui sont vraiment reproduits, alors je ne vais pas dire tous à une échelle identique, mais qui sont. Assez ressemblants. Qui sont très ressemblants et surtout reproduits, les détails sont reproduits à l'échelle de vraiment. Proportionnellement. Comme là, le kart, proportionnellement aux kartes. D'accord. C'est vraiment. Bon. Alors ça doit être au millimètre près quand même, peut-être 2-3 millimètres, mais dans l'ensemble, on est pareil. Comme là, oui, l'avant du kart qui est... Et tu sais quel matériau il utilise? Alors je suis autorisé à en donner certains, comme là sur le kart, le fond c'est une planche de contreplaqué. Je peux aussi donner une astuce. Les roues sont tenues par des vis. Ils sont fixés, voilà. Hein. Et là, c'est pareil. Là, tu parlais de recyclage. Donc, la planche, c'est de la récup. Là, on a des petits tubes métalliques, c'est de la récup. Et là, qui sont fixés par des petites bandes métalliques qui sont découpées aussi, qui sont aussi de la récup. Alors, je ne suis pas autorisé à vous donner tout. Mais c'est déjà pas mal. Secrets de fabrication. Il y a des secrets de fabrication. Des secrets de fixation, parce qu'il y a plusieurs types de matériaux et on ne colle pas tout avec n'importe quoi. Dans certains cas, il y a, comme là, vous voyez, il y a des vis. Là aussi, au niveau du volant, il y a des vis. Ce n'est pas comestible. Non. En fait, personne n'a essayé. Oui. Ouais, mais je pense que c'est mieux de ne pas essayer. Oui. Non, je vous déconseille quand même d'essayer. Et donc, tous les roues volants tournent, en fait. Alors, roues volants tournent, la seule chose qui ne se fait pas, c'est que les roues, bon, il n'y a pas la crémaillère de direction. Hein. Oui. Voilà, hein. On n'a pas encore pendu la crémaillère. Et on n'a pas pendu l'artiste aussi. On en a pendu d'autres. Mais... C'est ça. Alors, toutes les reproductions sont fidèles. Aussi bien la taille des échappements là, qui sont extraordinaires, le bloc moteur, le siège, le volant. C'est vraiment l'échappement le plus volumineux. C'est ça, Thierry, c'est ça. Sans échappement, ça ne ressemble plus à rien. Ah ben... C'est marrant, il perd de son charme quand même. Ça fait une casse à sa voix après. Parce que je sais qu'une fois, lors d'un transport, quand ça avait été exposé, il y en a une qui avait perdu ses échappements. Et bah franchement, c'était carrément nul. C'est Mad Max sans Mad Max. c'est complètement ça. Alors oui, il y a du recyclage, donc tout est peint. Alors parfois, il prend les couleurs qui sont basiques qu'il trouve, mais il y a quand même, et on va le voir sur... Là, si ma mémoire est bonne, c'est la couleur de Mario. Là, c'est la couleur de Mario. Alors je sais qu'il y en a d'autres de fait. De mémoire, il y a le kart de Yoshi. Je crois que c'est... Exact. Il est vert, mais non. Oui. Oui, vert pâle, oui. Je crois qu'il y a celui de... J'allais dire King Kong. Non, donc King Kong de DK. C'est pas King Kong, je me suis trompé. Il y a celui-ci. Ouais. Luigi, sans doute, non ? Non, je crois pas. D'accord. Vu qu'il y avait Mario, je me suis dit peut-être Luigi. Je sais qu'il y a ces trois-là. Autrement, dans les objets, il y a des fleurs de fête. Il y a la banane, comme on tient, si tu veux l'approcher un peu de la caméra, on peut. Hein, justement, qui l'approche. Voilà. Qui est un peu de travers, exprès, comme si elle était déjà en train de déraper sur... quelqu'un dérapé l'avait balancée. Oui. Bon, elle n'est pas écrasée, elle est quand même encore entière. Hein, c'est quand même elle est encore bien. Oui, complètement. Et il y a d'autres objets qui ont été faits sur socle. Alors, je crois qu'il y a l'obus de Mario Kart, les derniers Mario Kart. Oui, la bille. Oui, il y a le fantôme. Ouais, le bout. Tu t'y connais bien, Kevin. Oui. Bah, niveau jeu vidéo, oui. Donc, C'est peut-être pas le bout qui a été fait. Si c'est un fantôme, si c'est un bout. C'est un bout, d'accord, ok. Après, si c'est un calamar, c'est pas. Ah non, c'est un calamar peut-être alors. C'est peut-être le... Ah oui, jette de l'encre, c'est le calamar. C'est ça. Pardon, c'est qu'il n'est pas en blanc, c'est pour ça que je croyais que c'était un fantôme. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Il y a. Alors, je sais qu'il y a eu d'autres choses de fait, mais qu'il y a eu des petits soucis. Ouais. Autrement, il n'y a pas que Mario Kart. Blooper, voilà, c'est ça, le chat vient de me le dire. Ouais. Blooper, le nom du calamar. Ah, d'accord. C'est ça, le... Comment ça s'appelle, là, qui est enchaîné, là, la... Le boulet, là, qui est enchaîné, là. Le chomp. Le chomp, voilà. Il y a le chomp avec la chaîne, le piqué pour tenir la chaîne, c'est vraiment... À pas confondre avec le womb, qui est le gros mur. Voilà. Et ça, par contre, le mur n'est pas fait. Non. Il y a dans les plus, je vais dire les plus spectaculaires, c'est ce qui est fait. Mais moi, il y a aussi une chose qui m'a étonné, c'est que il y a pas que Mario Kart, il y a les Pokémon. Oui. Qui eux ne sont pas reproduits en 3D, mais sont peints sur des objets. Justement, là, on peut voir, vu que j'ai mis notre caméra, on peut voir justement Salamèche. Je monte sur l'écran, moi, non, mais quel débile. On peut voir Salamèche qui est juste là. Et on peut voir Kevin qui est juste là. Ouais, Kevin qui est aux fraises. Et il me semble qu'il y a un autre Pokémon que tu m'as donné en plus. Hop. On a le petit Ponyta. Ah aussi. Ouais, celui-ci, je l'adore. Celui-là, vraiment, l'impression est faite. Personnellement, je le trouve magnifique. Hein. Bah, c'est vrai que d'habitude, je suis pas trop tout ce qui est feu, tout ça. Mon élément préféré, c'est la glace, donc c'est pas vraiment en accord quand même. Mais c'est vrai que le Ponyta... Sauf dans une omelette norvégienne. Oui, forcément. Mais c'est vrai que le Ponyta est très bien fait. Oui, oui, il est... Voilà. Alors, je sais qu'il y a... Alors, il y a eu une boîte comme ça. Alors ça, ce sont des boîtes pour recevoir des bouteilles. Le Ponyta est sur une boîte de 3. Très bonne idée. N'est-ce pas, ouais. Le Ponyta est sur une boîte de 3. Le Salamèche sur une boîte pour une seule bouteille. Il y a eu plusieurs de fêtes. Je sais qu'il en a vendu quelques-unes. On attend vos offrandes. Alors par contre, ils cherchent toujours d'autres boîtes comme ça. Si vous en avez chez vous, hein, eh ben, il est preneur. C'est vrai que des gens se font offrir des coffrets de vin et ils pensent pas à demander à quelqu'un s'il veut la boîte, il la jette, quoi. C'est dommage. Oui, complètement. Et alors les boîtes de 6, je sais que ça l'intéresse moins, mais ce qui l'intéresse, c'est les boîtes unitaires et les boîtes de 3, parce que ça permet vraiment de faire quelque chose en rapport avec la taille, que la boîte de 6, il m'a expliqué, il y a un problème de hauteur. Et si on fait juste quelque chose en haut, si on veut après vraiment décorer, bon, il y a eu des meubles aussi de fait, et il y a une obligation dans ce cas, alors soit de décorer certaines parties du meuble, certains côtés, ou alors de créer de façon à ce que ça fasse une perspective avec le meuble. Par contre, la grande boîte peut se démonter quoi pour récupérer les côtés. Ouais, après on peut en faire des tableaux, mais bon, c'est un peu. Non mais pour faire un socle par exemple, parce que je vois le bas de la voiture, c'est peut-être pas en C'est en métal la voiture? Non, c'est du contreplaqué, le socle. Et par contre, ce qui sert, on va dire, un peu d'essieu, là, oui, ce sont des tubes métalliques. Alors, on me demande, est-ce que c'est fait en bois? Pour les boîtes. Pour les boîtes, ce sont des boîtes en bois. Et ça a été peint, dessiné dessus? Alors, ça a été peint. D'accord. Alors, dessiné, évidemment, avant, parce que faut toujours... Mais il faut toujours faire une esquisse. Voilà, faut faire une esquisse. Alors, il y a des peintres qui ne font pas d'esquisse. Mais là, il s'agit quand même de reproduire des choses existantes. Ce n'est pas un paysage dans lequel on va pouvoir donner un petit peu de son... Sa fantaisie, voilà, c'est ça. Sa personnalité. Voilà, que là, comme je disais, je sais qu'il y en a eu de vendus. Il y a eu... Je ne sais plus lesquels, mais il y en a eu. Oui. Et bon, les gens, ce qui les a intéressés, c'est d'avoir... La fidélité au modèle de base. Voilà, mais le fait que ça soit fait manuellement, et ça vraiment, ça a vraiment intéressé du monde. Hein. D'accord. On a un modèle unique, mais qui rappelle l'original. C'est complètement, oui. Alors, ils sont tous signés. Alors, on voit la signature S3D, Sensei 3D. Bon, qui est malheureusement pas difficile à reproduire, donc il peut y avoir des copies. Oui. Mais pour savoir si c'est l'original, vous pouvez nous contacter. Moi, je demanderai. Par contre, pour nous copier, nous. Bon courage. Alors, là, même une imprimante 3D, avant qu'elle remette l'intelligence à l'intérieur. c'est un peu foutu. Alors, ça, c'est pas directement nous. Mais je trouvais sympa d'en parler, de montrer qu'il y a des gens qui font des choses. Vu que l'émission, là, on l'a fait sur nous, vu que c'est la première, comme tu disais, mais de base, ça sert à mettre en avant des artistes que le grand public ne connaît pas, justement. C'est complètement. Notre radio s'appelle Indestar, la radio des artistes émergents, et comme ça, ça leur permet de se faire un peu de pub, et pourquoi pas même d'avoir de nouveaux fans aussi. Voilà, et ce qui est bien, justement, c'était bien l'avantage, maintenant que nous sommes retransmis sur Twitch, les gens peuvent voir le résultat du travail, ce sont vraiment des reproductions fidèles. Hein. Voilà, là pour ça, mais que ce soit pour des chanteurs, ils peuvent voir en live, ils peuvent, que ce soit pour des dessinateurs, vu qu'on en a reçu un l'année dernière, je m'en souviens, pareil, on peut voir aussi. Mmh. Ils peuvent voir nos conneries en live aussi. Ouais. Oui, aussi. Ouais. Bon, alors certains regrettent que ce soit qu'une fois par semaine, mais après, vous en auriez marre, franchement. Oui, hein. Bon, une fois par semaine, c'est oui, bien. Oui, même nous. C'est bien, une fois par semaine. Se voir nos gueules une fois par semaine. Alors, pour certains, c'est même trop, mais je ne dirais pas qui c'est. Non, puis il faut qu'on se repose, après, on sera plus en forme pour en raconter, quand même. Hein. On va pas se vanter qu'on prépare l'émission, mais quand même. C'est vrai, quand même, oui. Il y a une chose qui va avec se reposer souvent. Oui. C'est la musique. Oui. Souvent, quand même, on se repose en musique. Oui. Donc là, on va écouter Jeff Hendrick, You Found Me. C'est d'un groupe de rock, c'est de The Fray. Yes, donc c'est un cover. Oui, donc une reprise. Sur Indestar. C'est ça. I found God on the corner of First and Amistad, where the West was all but one. All alone, smoking his last cigarette, I said, where you been? He said, ask anything. Where were you when everything was falling apart? All my days I spent by telephone, it never rang. All I needed was a call, it never came. On the corner of First and Amistad, lost and insecure, you found me lying on the floor. Surrounded, surrounded, why'd you have to wait? Where were you, just a little late? You found me, you found me. Halfway around the world lies the one thing that you want, buried in the ground, hundreds of miles down. First thing that arises in your mind when you awake, it's bending you till you break. Let me hold you now, baby, close your eyes. Don't open till the morning light. Baby, don't forget, we haven't lost it, oh yeah. All we know for sure is all that we are fighting for. Baby, don't forget, we haven't lost it, oh yeah. You found me. Hey les amis, la pop culture, c'est Peak Avenger sur Indestar. Je me fais avoir à chaque fois sur celui-là, il est court. Ouais, il va falloir qu'on en trouve un autre. Hein, à chaque fois, je me fais avoir. Mmh, c'est ouais. Vraiment, je crois que non, mais je les... m'y ferai pas. Oui, mais les commandes arrivent, hein, t'inquiète pas. Hein. Les commandes de jingle, voilà. Ouais, vu que j'allais te dire, si c'est les commandes, j'ai un clavier à côté, je peux, je peux peut-être essayer de te lancer une touche de clavier, mais je suis pas sûr que ça marche quand même. Oui, et puis le temps d'arracher la touche, tu feras mieux de lancer le clavier direct, hein, ce sera plus simple. Ouais, ça risque d'être plus rapide. Ouais, ouais, ouais quand même, ouais. Oui. Mmh. Donc ce soir, oui, donc Pika Artiste, on continue dessus. Là, on a eu Sensei 3D, donc pour ceux qui ne savent pas, vu que Lisa nous a posé la question pendant la musique, Sensei, c'est du japonais, ça veut dire maître. Donc Sensei 3D, le maître des trois dimensions. Oh, je savais pour Sensei, 3D c'était trop dur hein, quand même. Ouais, tu, imprimante 3D tu sais, mais Sensei 3D tu savais pas, c'est ça. Ouais, c'est ça. Même 3D je dirais c'est trop dur. Oh. C'est trois fois trop. Non mais ouais, 3D ils croyaient que c'était un biscuit apéritif en fait. Hein. Thierry, tu vas nous parler un peu de tes talents et des rencontres que tu as fait aussi. Ouais, je sais pas si ça va être mes talents, mais en tout cas j'ai eu la chance de pratiquer certains arts et de rencontrer des artistes. Et en fait je cherchais un petit peu qu'est-ce qui allait pouvoir englober le tout, et je me suis dit tiens, le mot nomade que j'ai vu dans l'exposition de la dernière artiste que j'ai rencontrée, il m'intéresse, pourrait faire le lien entre différents arts par rapport à la nature, parce que vous savez que tous les lézards sont dans la nature. On fait ce soir de l'articulture. Ouais. Ouais, on préfère les lézards les avoir dans la nature que chez soi. Hein. Oui. Donc, par quoi je commence ? C'est peut-être par cette dernière rencontre. Nous avons depuis très peu de temps, mais ça fait peut-être quelques années, puisqu'il y a eu les confinements, en fait, nous avons une halle d'exposition d'art contemporain dans notre ville qui s'appelle le Garage. Et moi, j'y passe pas forcément parce qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est j'y passe par hasard à côté, puis je me dis ah bah tiens, oui, ils ont changé l'expo, je rentre. Voilà, je vais voir. Hein, okay. Ah, pourquoi pas ? Ça change de la lumière, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Non, voilà. Ils ont changé l'expo. Non, mais c'est-à-dire que tu peux aller à une expo parce que tu as vu une pub, tu as vu une affiche, tu y vas et vraiment exprès pour voir quelque chose que tu as programmé. Et moi, je fais pas comme ça en fait. Comme c'est pas loin, si je passe devant et que je vois qu'il y a quelque chose, j'y vais quoi. Et j'ai eu la chance en fait d'y aller un jour où l'artiste était présente. Donc ce qui est sympa, c'est que la personne qui tenait l'accueil de l'exposition m'a dit spontanément bah, vous avez de la chance parce qu'en plus l'artiste est là. Donc vous pouvez voir l'expo, mais vous pouvez aussi vous faire guider. Donc j'ai expliqué que bon, je faisais un peu de la radio, qu'on pourrait en profiter pour faire une interview quoi. Et bah tout le monde était d'accord, donc on en a profité. Et donc cet artiste qui expose encore là en ce moment s'appelle Ai Ikatara. Et donc c'est une japonaise qui vit en France et qui est spécialiste du pliage. Alors on pourrait penser pliage quoi, elle fait de l'origami. Alors oui, à la base elle peut vous plier du papier et en faire quelque chose, mais en fait elle s'est mise à essayer de plier toutes les matières qui passait entre ses mains, y compris les plus fragiles. C'est-à-dire, par exemple, si je vous dis de la faïence, elle est pillée de la faïence, risquer de tout faire péter. Voilà. Oui, vas-y. Elle plie quoi par le... Alors, elle plie pour donner une forme, en fait, qui est assez commune dans la plupart de ses œuvres, qui est une forme de tente, en fait, qui peut se replier et se plier à volonté. C'est pas du décathlon, mais mais en fait d'où le côté nomade, se dire je veux faire des objets qui évoquent le voyage, mais aussi nomade dans le sens où mon exposition est nomade, je peux la transporter, vous voyez, assez facilement, même si elle doit prendre de multiples précautions parce qu'il y a des objets qui sont assez volumineux, hein. très fragiles aussi parce qu'ils associent plusieurs matières, y compris au niveau des joints là où on plie. Mais moi sur le coup j'ai pas vu tous ces liens, mais je me suis dit ben voilà, ce qui est intéressant c'est que c'est vrai que c'est très intéressant d'aller voir une expo comme ça tout seul. On peut prendre les papiers qui expliquent, on peut essayer de comprendre quelque chose, mais quand on est guidé par l'artiste, c'est vrai qu'on saisit la profondeur notamment du titre là, le nomade se dire ouais c'est le voyage. Puis là, quand vous apprenez en plus que l'artiste est japonaise, qu'elle a voyagé, qu'elle est venue s'installer en France et que dans l'exposition eh ben, il y a une représentation d'une petite maison en lévitation, on se dit qu'est-ce qu'elle vient faire dans les tentes. Ben, figurez-vous que c'était sa maison quand elle était au Japon, elle est partie de ça et puis après elle a fait toutes ses tentes en diverses matières et puis elle a fait d'autres choses, hein, je vous dirai pas tout, il faut aller voir, mais c'est une expo oui qui symbolise le nomadisme et qui a un rapport avec sa propre histoire, à ouais. vous d'essayer de la saisir ou pas, mais oui c'est un peu une autobiographie physique quoi, architecturale, mais alors tout en l'art du pliage. Moi quand j'ai vu ces pliages, j'ai eu l'impression au début que c'était plutôt comme des vaisseaux. Je me suis dit, tiens, mes amis de la radio qui sont fans de Star Wars, ils risqueraient de s'y retrouver parce que je vois une forme que ça. J'ai pris le petit dépliant avec moi, le petit dépliant publicitaire, comme on est sur Twitch. Peut-être on peut montrer un peu à Twitch ce que ça peut représenter. Hein. Vous y verrez ce que vous voulez. Alors, je sais pas, faut me guider par rapport à la caméra. Puis il faudrait peut-être se déplacer parce que là, ça va peut-être faire un peu oui, loin. Tu peux aller sur celle d'à côté. Oui, éventuellement. Voilà. Bon. Oui. Je note qu'on commence l'émission sous le signe du Japon, après oui. Sensei 3D, une artiste japonaise. Oui, non, mais comme quoi, tu sais, on n'a pas besoin de chercher les liens, ça se fait. C'est ça. Ça se fait tout seul. Donc, alors, je ne sais plus en quoi c'est, mais ce que je viens de montrer a l'air d'être en papier ou en drap, etc. Mm. C'est un peu entre les deux. Je te rassure, le prospectus est bien en papier, hein. Et il est plié en plus. Il y a en tout cas une idée de fragilité dans ce qu'elle fait et un souci du détail. Bon après voilà, faut aller voir. En tout cas c'était très très intéressant. J'ai pu interviewer aussi cet artiste. Voilà, puis après on a dit bon on verra comment on en parle. Mais elle habite dans le coin en plus. Hein, très bien. Moi je l'ai trouvée plutôt discrète alors que ce qu'elle fait pour moi est quand même admirable. Donc je sais pas après hein. elle a exposé un peu partout en Europe, mais voilà, une petite ville comme Amboise aussi ça lui convient très très bien. Et ce que j'aime bien aussi, je l'ai pas encore fait, mais dans cette halle là d'exposition, à chaque fois qu'il y a un nouvel artiste et ben il laisse quelques semaines l'exposition et puis au bout d'un moment ils font un dimanche, ils font un brunch art en fait, où le dimanche vous pouvez aller voir l'exposition, vous aurez l'artiste qui vous fera la visite et en même temps vous aurez des petits trucs à déguster, voilà, sur rendez-vous. Je trouve que c'est assez sympa aussi cette idée-là de combiner plusieurs arts. Puis moi qui aime bien la bouffe. Hein. Oui, forcément. Justement, je crois que tu as des talents culinaires aussi, vu que la cuisine est de plus en plus considérée comme un art. Alors, oui. Moi, j'aime bien manger, d'accord, ça, on oui. s'en doute. Mais en fait, j'aime bien, tu sais, quand, pas forcément se dire, oh là, j'ai plus rien, je panique, je vais faire les courses. Non, ce qui me plaît, des fois, c'est de dire, bon. Ok, je pense pas avoir grand chose, mais je vais me démerder avec ce que j'ai. Et puis de se dire, eh ouais, à partir du moment où t'as une base, en fait, tu fouilles dans les placards et t'arrives à faire des trucs. Et ça se ressemble jamais, et peu importe, quoi. Mais ouais, quand t'as une base, c'est comme une vulgaire pâte à tarte ou une pâte à gâteau, enfin, farine, œuf, beurre, allez, sucre. Et puis si tu veux pas sucré, tu trouveras autre chose, peu importe. Mais t'as une petite base et après tu trouves les ingrédients à mettre dessus, dedans. Comme la base des cookies, tu peux faire des cookies salés, sucrés, à tout et n'importe quoi. Oui, c'est tout n'importe quoi. Bah oui, t'as tout et n'importe quoi. Et pour répondre à Sherkan qui nous dit « Beaucoup sont timides, mais une fois que tu lances l'artiste, il parle un peu plus sur ses œuvres. » Ça dépend des artistes. Vu qu'il y en a où il n'y a pas forcément besoin de trop en parler, il y en a où il y a besoin, ça dépend de la personne qui est derrière surtout. Oui, parce que il y a des fois, c'est vrai que les artistes, ils sont très loquaces et d'autres fois... C'est ça, des fois, on en a eu où ça a été compliqué au tout début, ouais. Mais une fois que c'était lancé... plus moyen de les arrêter, ouais. Tu vois, oui, les mais émissions moi, étaient trop bien. Parce que j'aime les, vous savez que j'aime les paradoxes, donc c'est les emmener voilà. aussi sur des terrains où ils seraient jamais allés, et en fait, en plaisantant avec eux, ils finissent par vous confier oui, des trucs hyper perso, quoi, qu'ils n'auraient pas confié ailleurs, et vous prenez le temps. Nous, on prend le temps. On c'est se ça. Dit, quand on a des artistes, il n'y a aucun souci de, ça, de temps. Installez-vous. Temps. Et après, ils se sentent comme chez des copains et on les manipule. Tu vois, c'est ce que j'allais dire. Justement, la chose la plus importante quand on parle avec un artiste qui n'est pas forcément très à l'aise, c'est de le mettre à l'aise au début. Oui, complètement. Justement, ouais. C'est... j'allais en venir à la tirer. Il enlève sa chemise hawaïenne. Ah. Ah oui, justement, tu parles de ça, on a un très bon exemple, et justement, on va en reparler la semaine prochaine. C'est Wood Mike qui était venu au mois de janvier. Et donc, on a continué de travailler ensemble, et on va sortir un clip vidéo. Alors, il sera présent par téléphone, si tout va bien, pour la prochaine émission. D'accord. Le clip sera toujours pas sorti, mais c'est pour dire ce que vous disiez tous les deux, que ben, l'artiste, on commence à le connaître. Et puis bah, après, ils se tissent des liens. Et vous verrez que c'est un artiste très, très sensible. Moi, j'ai encore dans les paquets, qu'on n'a pas encore déballé des interviews que j'ai faites quand on était à la pagode, qui sont pour ceux qui ont connu Fréquence Star, qui sont un peu à la Fréquence Star, c'est-à-dire où il se dévoile profondément, il réfléchit sur sa vie, sur ses paroles, sur ses enfants, sa famille, etc. Enfin, des trucs que je me suis dit, waouh, le gars, je le découvre pour la première fois ou la deuxième fois. Et ouais, il a confiance, et ben vas-y, il parle, il se met à réfléchir, et il est content d'avoir fait ça. Oui. Se dire, ouais, j'ai réfléchi finalement à ce que je faisais au sens là, et je crois que même des fois, c'est un peu, bah, faut que j'arrête de me prendre la tête, parce qu'en fait, c'est bien, quoi. Bah, on a toujours des doutes sur ce qu'on fait, on ne sait pas comment ça va être reçu, ça, c'est bien, est-ce vrai. Que ce qu'on a voulu mettre dedans, ou pas, parce qu'on ne sait pas toujours trop ce qu'on veut mettre, mais oui, comment ça va être interprété derrière, et bah ouais, c'est bien tout simplement d'en parler, et puis en plus, c'était un cadre au bord de l'eau, il faisait un temps magnifique. C'est vrai. C'est vrai. Très agréable. Tout en tournant le clip avec des gens qui passent. Enfin, non, mais quelle journée de dingue. Mais c'était vachement reposant. Donc, on pouvait tout lâcher. Je crois que c'était le moment de faire des interviews. Oui, c'est exact. Oui. Tu fais du jardinage aussi, je Oui, crois. Alors pour la cuisine, par contre, je voulais juste revenir parce que je dis, moi, pour ce qui m'intéresse, c'est la rencontre des artistes. Et alors, en fait, on a une pâtisserie à Amboise qui est renommée, qui s'appelle Bigot, qui est là depuis plus d'un siècle, qui a été boulangerie et pâtisserie. Et alors, chez eux, il y a un jeune qui travaille le sucre. En fait, il travaille la pâtisserie, le chocolat, etc. Mais quand il a du temps, en fait, après son boulot, il aime rester pour travailler le sucre. Et il fait des trucs de dingue en sucre. Je suis allé aux portes ouvertes. C'était il y a 2-3 semaines, et il était encore en train de travailler le sucre. Il était sur une pièce montée en train de faire des papillons de dingue, d'une couleur rougeâtre. Oui, il n'y a pas des compétitions maintenant sur le sucre. Oui, ça se fait. Développé, hein. Et bon, le sucre, c'est quelque chose qui commence à prendre aussi un peu de coût. Bon, avant que ça soit horriblement cher, peut-être que ça ira, mais il en utilise beaucoup hein, pour faire des choses comme ça. Ça me rappelle un film d'ailleurs le qui s'appelle Le Sucre, je crois, où on fait croire qu'il n'y a plus de sucre et ça fait monter les prix de manière exorbitante. Il y a eu ça, oui, c'est vrai. Ah oui, là tu remontes loin, en effet. Oui, oui, mais par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Oui, c'est raccord. Ouais, voilà. Ouais, bah, complètement. Et donc, ce fameux Kevin, on l'a reçu à mes débuts chez Indestar. Un autre, pas le nôtre. Ah non, on avait une émission qui s'appelait Passion et on a reçu Kevin en fait pour nous parler de sa passion pour le sucre. Et donc ça peut se retrouver quelque part sur les podcasts d'Indesta. D'accord. Est-ce que j'ai du temps pour le jardin ou j'en ai plus? Tu vas finir avec le jardin. Alors en fait, non, mais t'inquiète pas, on rabiotera sur le temps de Lisa, elle est en stage. Bon rapport à la nature. Je suis quelqu'un qui suis très proche de la nature. J'en suis même envahi quelque part. Je m'envahis moi-même. C'est-à-dire que en fait, le lieu où je vis n'est pas très large en superficie à l'horizontale. Donc en fait, j'ai fait du vertical. Culture au vertical, mais alors voilà, dans tous les sens. Alors j'ai plein de choses qui poussent. C'est à la mode les fermes verticales actuellement. Hein, donc... Oui. Tout complètement à fait. Et en fait, ça fait des structures, ça fait des cascades. Enfin voilà, puis ça permet d'essayer plein de choses. Puis moi, j'adore les chats. Alors je leur fais des parcours dans les arbres. Alors ils passent de structure en structure. Enfin voilà, c'est trop sympa. Et quand j'ai refait mon poulailler, je me suis dit pour faire le toit du poulailler ou le faire pencher, je vais faire une petite une petite estrade, voilà, pour pouvoir monter dessus. Et j'ai réalisé que j'avais bien fait parce que quand je suis monté sur le sur le poulailler, j'ai une vue d'un côté sur le château royal d'Amboise et de l'autre côté sur le Clos Lucé. Donc c'est pas mal. Et au milieu des plantes, j'ai les plantes tomates mélangées au bambou, enfin tout. Puis au-dessus, j'ai les arbres fruitiers que j'ai tiré les branches pour qu'elles penchent, pour que ce soit plus facile de cueillir les fruits. Enfin bon, donc la totale. Et en fait, j'ai fait de l'art buissonnier pour parler plus des rencontres que de moi-même. Il y a quelques années, à la MJC d'Amboise, il y avait, je crois que c'était un samedi par mois, je crois, à peu près, ce qu'on appelle un atelier buissonnier. Alors c'est du land art. Ça, pardon, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec l'école buissonnière. Alors je pense que ça peut avoir. En tout cas, c'était quelque chose aussi de nomade. C'est ça qui me plaisait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on nous emmenait dans un endroit différent, dans un endroit naturel différent. Alors une fois une plage, une fois une forêt, une fois je sais pas un chemin. Enfin peu importe. Un endroit où il y a des choses naturelles à profusion. Et le but, c'est de te faire de te lancer des défis, en fait, de construire des choses, de laisser une trace humaine, enfin peu importe, il y a plein de choses, mais en utilisant ce qu'il y a sur place et en essayant de prendre de préférence, genre le bois mort plutôt que de casser des branches de bois vivant, de prendre des cailloux, des choses inertes, peu importe, d'utiliser ce qu'il y a sur place et de tout laisser sur place. Donc on te fait construire quelque chose, une œuvre, où on te dit par exemple, structure carrée avec un élément bois et un élément minéral, et donc voilà, vous faites des clans, vous avez 10 minutes chacun, vous nous dites pas où vous faites les choses, hein. Vous allez chacun dans votre coin, vous construisez quelque chose et après on réunira tout le groupe, on fera le tour de l'endroit où l'on est et on essaiera de détecter où vous avez fait une œuvre et ce que vous avez utilisé, puis vous commenterez, etc. Et on fait des photos et on garde ces photos en souvenir, mais on ne ramène rien du tout, aucun élément, on laisse tout en place. Et moi, ce que j'ai aimé, c'est retourner après, parce que ça, on ne nous l'a pas fait faire, mais je me suis dit, ce qu'on a laissé sur place, peut-être que ça va être détruit, mais peut-être que ça va rester. Retourner là où on a fait les choses quelques temps après. Tu sais, tu laisses passer une saison, je ne sais quoi, t'as l'eau qui est passée, t'as le soleil, machin truc. Mais il y a des trucs qui sont restés en place, alors qu'ils sont un peu modifiés, changés de couleur, peu importe, ou à moitié détruits. Mais très très sympa. Et voilà, Jean-François Mathedi, si tu nous écoutes, eh ben, merci pour tout. Ces ateliers qui m'ont inspiré chez moi. C'est un vrai bordel. C'est une jungle. J'entends les touristes quand ils viennent de chez moi qui disent mais je ne connais pas la personne qui habite là, mais c'est une jungle. Mais une fois la porte de la jungle passée, on est surpris, c'est ça? Vous êtes venu une fois, je crois, non? Oui, une fois, ouais. Oui, il n'a pas voulu qu'on vienne d'autres. On a dû critiquer de trop, il est revenu. On a dit c'est foutoir chez lui. Autant que chez nous. Est-ce que c'est bientôt la musique? Parce que j'ai un truc par rapport à l'art pour te faire un début. Une ébauche de lancement, je te laisserai faire le lancement. Mais je vais te dire qu'en fait, que la musique, c'est de l'art, effectivement. Parce que do l'art. Hein, dans les notes de musique, il y a dollar, mais il y en a une autre. Il y a le sol, il y a solar, il y a MC solar aussi. Voilà, maintenant tu peux faire ce que tu veux. Oula. Non, mais là c'est dur. Derrière ça, c'est dur hein, quand même. Faut, bah, on n'écoutera pas MC solar. Ouais. On va plutôt écouter. On est solaire aussi. Ouais. Oui, on va plutôt écouter. Et on a de l'énergie. Guifo, American Boy, qui est un remix de Estelle. Exact. Et c'est sur Indestar. Indestar. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible? Ah, et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. Un nouveau collège en construction, un nouveau pas vers l'éducation. Bâti en panneaux de béton armé et tôle amiantée, il devrait permettre aux futurs élèves de respirer le sérieux de leurs études qui les mènera jusqu'à l'obtention de leur BEPC. Oui, enfin ça, c'était le projet initial. Depuis, ça a mal tourné. Des profs chelous, des élèves dissipés qui, on pourrait le croire, concourent à la plus mauvaise moyenne dans des matières qui parfois sortent totalement du cadre de l'éducation nationale. La classe, c'est à vivre mercredi dès 19h sur Indestar. Vous allez aimer retourner au collège. Indestar. Là où tout commence. Là où tout commence. Yeah. stars, des stars, des stars. Là où tout commence. Take me on a trip I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. I really want to come kick it with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, I've been to MIA. I heard that Cali never ends and New York's wide awake. First I see the West End, show you to my bedroom. I like him, this American boy, American boy. La pop culture, ce podcast sur indestar.fr. Bah, tu vois, là, je me fais pas avoir vu qu'il est plus long et ça me paraît logique. Bah oui, non, mais on va se plaindre. On va faire... le moteur a chauffé depuis tout à l'heure. Oui, aussi. Non, mais on va faire un courrier à la direction. On va. Oui, donc nous sommes en live sur Twitch également. Donc n'hésitez pas à venir nous voir sur indestar.fr. Il y a un onglet Twitch. Et pour répondre à la question de Sherkan, oui, c'est normal que tu n'entendes pas la musique ou la cover comme tu as mis. Il y a des droits d'auteur et la licence radio n'est pas valable sur Twitch. Donc voilà. On est obligé de mettre autre chose pour pas avoir des avertissements vu que... Voilà, je vais pas dire la suite, mais je le pense très fortement. Voilà, sinon un jour on se retrouvera pas sur Twitch et vous avez vu qu'il y a des fois on a des choses à vous montrer, ça vaut le coup pour découvrir. Et puis ben, pour interagir c'est très pratique et on aimerait ne pas perdre cette plateforme. Voilà, à propos de musique, est-ce qu'on peut poser une petite question pour faire réfléchir les gens qui nous suivent par Twitch et autres moyens. Comment s'appelle la chanteuse qui patauge dans la gadoue à côté de sa deux chevaux? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oh là, là tu vas faire appel à de vieux souvenirs là. C'est Isabelle de Mercedes. Sa deux chevaux verte. Non, c'est celle qui a chanté. En rapport avec un monsieur très connu. Oui, c'est Jane. Oui. Jane Birkin. Jane Birkin, oui. Yeah. Je l'ai dit pas trop mal. Jane Birkin. Un patogé dans la gadoue. Ouais. La gadoue. Ouais. La gadoue. Ah oui, exact. Ouais. Voilà. Ouais, alors. C'était des paroles de Gainsbourg, c'est ça? Oui. Alors, on peut toujours se demander quel était le sens caché de la chanson, hein, connaissant Gainsbourg. Oui, avec Gainsbourg, oui. Mmh. Et une autre petite question, et on laisse quelques instants aux auditeurs. Ouais. Bah, au pire, ce qu'on peut faire, tu peux faire la question, On va écouter Lisa et après on peut donner la réponse. Tout à fait. Dans quel clip en noir et blanc Florent Pagny chante-t-il en langage des signes? Ah, c'est une Florent super Pagny question. Qui fait plein de gestes tout au long d'un clip. Ouais. Eh bien, trouvez de quoi il s'agit. Ça ne vous empêche pas de vous concentrer sur ce que va dire Alisa et pas se dire putain merde toutes les 3 secondes. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les écrire dans le chat et on verra si c'est bon ou pas quand et même. Et si vous avez la date aussi. Voilà. Et en même temps, il va demander la partition musicale là, si ça oui, continue. Là. C'est ça. Donc, on va écouter un peu. Oui, moi Lisa. Écoute. Quand on m'a dit que c'était sur l'art, je me suis dit je peux un peu en parler puisque je suis à côté de Bébert, je peux parler du lard. Voilà. Alors parce qu'on te voyait mal, alors donc j'étais obligé. Non, c'est Bébert qui était devant toi, c'est normal, il prend de la place, Bébert. Hein, en plus, il y avait le cadre de Mario. Donc, vas-y, je t'en prie. Oui, donc moi, alors comment j'ai rencontré l'art, par exemple? En fait, quand j'étais petite, il y a eu une manifestation d'une chorale. On veut du spectacle. D'une chorale dans ma ville. Et c'était un couple d'amis de mes parents qui m'y ont amenée. J'étais, je me suis passionnée pour en fait la chanson et la danse, tout simplement. Quand j'étais voir après avoir été voir ce spectacle. D'accord. Donc pendant mon enfance, j'ai fait des tournées en fait où on allait de ville en ville dans les petites villes en France. Pas des tournées de bars. Non. Il y avait peut-être des bars aussi dans les villes. On allait plutôt dans des salles communales qui étaient plus ou moins grandes. Et c'était quand même un peu professionnel. Et puis on vendait le programme, on chantait, on dansait sur scène. Ça, c'est un bon souvenir d'enfance. C'est vrai, quand on allait régulièrement à des petites manifestations, on vendait le programme. Oui, ça c'est sympa. Ça me rappelle le souvenir d'enfance, ça. Et donc, voilà. Et puis, du coup, j'ai pris des cours de chant. Le chant, c'était plus poussé que la danse. Parce que la danse, il n'y avait pas forcément... Tu pouvais t'inscrire donc, à cette troupe sans avoir de... sans être formé avant au niveau choral ou pas de danse. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai rencontré l'art. Et puis alors après, j'ai dû arrêter à l'adolescence. Et puis je me suis mis ensuite à la danse, en fait, moderne jazz, à l'âge adulte. Donc je prenais des cours là aussi dans ma ville parce que c'était pas très onéreux. Et donc j'ai appris la danse moderne jazz. Est-ce que c'est dans une MJC ou quelque chose comme ça? Oui, c'est avec la mairie. Parce que ça se fait beaucoup, je crois, maintenant. Et c'était très sympa. Bon, même si j'ai regretté après coup quand même de pas avoir commencé la danse à l'âge en étant enfant, puisque c'est là où tu prends les bases, où t'arrives beaucoup mieux à progresser, tout ça. Par exemple, les pointes, j'arriverai jamais. Moi, j'y arrive, mais avec un marteau. Longueurs et pointes. Ouais, aussi, oui. Non, parce que j'ai essayé d'enfoncer les pointes avec les doigts, mais... Ça marche moins bien. Ouais, forcément. Ouais, les c'est doigts moins bien. S'enfoncent mieux que les... Voilà, et moi, j'envisageais, en fait, la danse comme un moyen d'observer et de confronter mon corps à la réalité autrement que dans la vie quotidienne, en fait. Pouvoir bouger, oui, sauter, apprendre des pas particuliers pour que ça soit gracieux, que ça soit harmonieux. J'aimais beaucoup ça, en fait. Ça me permettait de me dépenser aussi quand j'étais en colère. Canaliser. Canaliser mes émotions. Pour mieux véhiculer les messages, parce que si on fait de l'art contemporain, enfin de la danse, oui, c'est de la communication par le geste. Tout à fait. Par le corps, l'expression. Hein. Oui, puis tu parles de canaliser. On a souvent tendance à penser que la danse, c'est pas quelque chose de très physique, alors qu'en fin de compte... Ah si, c'est très physique. Oui, oui, les gens qui ne connaissent pas, certaines personnes qui ne connaissent pas pensent que, oui, tu danses, tu remues, oui, mais en fait... Pour tenir les chorégraphies, ça va, quelques minutes. Mais après, oui, quand t'enchaînes... En général, c'est quand même une chorégraphie, c'est sur une chanson. En général, c'est assez court, hein, mais déjà, ça te demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Hein. Donc nous, par exemple, mon cours de danse moderne jazz que je faisais, on commençait beaucoup par faire un peu de musculation, quoi, de renforcement musculaire, pour après, justement, ne pas te faire mal quand tu apprenais la choré et quand... tu allais la faire, voilà. Oui, parce d'accord. que oui, il y a au niveau des jambes, oui, la musculation des jambes, oui, est oui, hyper oui. importante. Oui. C'est tellement rigoureux qu'on en fait des métiers, un chorégraphe. Oui, bah, hein. Tout à fait. Mmh. Ah, oui, complètement. Et là, j'ai repris, alors parce que moi, je suis arrivée dans la région il n'y a pas longtemps et j'ai repris de la danse contemporaine. Je ne connaissais pas on du y tout. Vient, j'y pensais. Et je connaissais pas du tout. Et alors, du coup. Moi, ce que j'ai constaté, c'est que en danse contemporaine, il y avait plus de courbes, moins de pliés dans les jambes. Du coup, je vous ai cherché une définition pour que ça soit un peu plus clair et plus précis, parce que c'était intéressant aussi. Et donc, il faut savoir que, par exemple, la danse moderne jazz, elle est plus ancienne hein, que la danse contemporaine, et qu'elle est née sur le territoire américain, et qu'elle est née au même moment que la musique jazz aux États-Unis, en fait. Et elle est issue des danses afro-américaines de la fin du 19e siècle. Et elle est assez connue comme étant une danse harmonieuse, technique et parfois acrobatique, ce qui est différent quand même de la danse contemporaine. Et contrairement aux autres danses, elle permet d'être plus libre de ses mouvements pour libérer son esprit au rythme d'une musique entraînante. Voilà, c'est une définition assez courte que j'ai trouvée. Les codes de la danse classique, du flamenco et de divers folklores populaires et primitifs. Donc on voit qu'il y a quand même une base aussi qui se rapporte au peuple, assez intéressante j'ai trouvé. Alors donc, pour en revenir à la danse contemporaine, elle est beaucoup plus récente parce qu'elle est arrivée en Europe dans les années 1970. Donc elle est très récente. Hein. Et en fait, la danse contemporaine, c'est plutôt une libération des codes de la danse classique, mais dans le prolongement, en fait, de la danse moderne jazz. Voilà. Et la danse contemporaine, en fait, c'est beaucoup plus expressif. Ça va être en rapport avec ta personnalité. Il y a des mouvements plus légers, plus fluides. C'est moins... La danse moderne jazz, c'est plus avec des lignes, si on veut. Et la danse contemporaine, c'est plus avec des courbes, plus des mouvements un peu plus ronds. Voilà. Plus dans l'expressivité. Ça nous va bien, on est déjà... Ouais. Non, mais on est en train de boire tes paroles, donc on va être bientôt au rond aussi, va t'inquiète pas. Va, hein. Voilà, donc ça me plaisait de parler de ça, parce que oui, moi, franchement, je pense que mon rapport au corps est différent du fait d'avoir fait de la danse, parce que du coup, ça nous apprend aussi à avoir je sais pas comment dire, une autre quotidienneté avec notre corps, puisqu'on le connaît différemment en dansant, en s'entraînant avec, que simplement en ayant des mouvements qu'on fait toutes et tous dans le quotidien, dans notre réalité. Mais là, c'est vraiment un entraînement. Tu es obligé de prendre soin de ton corps, de te baser dessus, de ne pas te faire mal, etc. Moi, je trouvais ça vraiment très important pour moi. En fait. Alors, moi, par contre, apparemment, vous le voyez à l'image, j'ai suivi qu'un cours de danse, c'est celui où on est rond. Apparemment, j'ai suivi que celui-là. Bon. Après, la danse, ça prend à tout âge. Hein. Il n'y a pas besoin d'avoir un corps et particulier. Il en existe tellement de différents. Tout à fait. Je bosse dans une MJC et quand on voit le panneau danse, mais alors, je ne sais pas combien il y en a, mais il y a un panneau plein. Et donc, je me suis dit, quand les gens demandent c'est quoi la différence, il faut aller voir les profs parce que... Oui, voilà. Et puis, en général, en début de cours d'année, que ce soit en école ou par rapport à la MJC, la commune, vous pouvez toujours faire un cours d'essai. Hein, donc, si ça vous ne plaît pas, vous faites différentes danses et puis vous en changez pour trouver la vôtre. Parce qu'on nous demande, alors, qu'est-ce qui est le plus proche du hip-hop, etc. Mais si tu résumes comme ça... Il faut essayer, franchement. Et ça vaut le coup. On voit le résultat parce que on voit que t'es à l'aise, que t'es... Ah ouais, moi, ouais. Ça me passionne. Ouais. Ça sent qu'il y a eu cette prise de conscience de soi-même parce qu'on apprend effectivement à vivre avec son corps, à occuper l'espace pleinement. Oui, aussi, fait, hein, occuper l'espace, oui. Donc, et puis toute cette respiration, enfin, oui. Oui, exactement, respirer aussi. Ce qui n'est pas facile hein, quand on danse, mais bon, les pros sont plus sont meilleurs que moi là-dessus, parce qu'on oublie souvent, hein, parce qu'on est stressé pour réussir le mouvement, et donc on est moins fluide, on est moins à l'aise. Oui, il y a comme quand on chante, hein, il y a même des positions qui sont plus favorables à d'autres, et des fois un tout petit décalage peut faire une différence énorme. Bon, c'est pas pour faire de la pub pour la Starac, mais pour avoir jeté un coup d'œil à un moment où il y avait un cours justement de chant, je me suis dit intéressante la prof de chant parce qu'elle montrait ces petits détails. Ah oui. Oui, le souffle en danse est très important, la respiration. Ouais, alors danser et chanter en même temps. Ouais, je te dis pas la galère. Ouais, complètement. C'est là où tu te rends compte que bah il y a beaucoup de trucs qui en apparence sont simples et qui quand tu te penses dessus, bah c'est pas si simple que ça. Alors c'est quoi la chanson de Florent Pagny Est-ce qu'ils ont trouvé sur Twitch? Alors en proposition, j'ai eu chanté ou un jour une femme. Alors moi j'ai pas ça. Moi j'ai trouvé moi. Oui. C'est savoir aimer. Savoir aimer, je trouve ça tellement beau. Kevin, on doit pas savoir aimer vu qu'on n'a pas trouvé la réponse. Non, je te confirme, je ne sais pas. Oui, si vous ne connaissez pas, après. C'est savoir normal, donner, donner sans reprendre, ne rien faire qu'apprendre, etc. Enfin, c'est très beau. Non, mais je crois que j'ai dû fermer les yeux en regardant le clip, moi. Tout en langue des signes. T'as dû tout le temps fermer les yeux. Et l'année. Alors, Anne, j'ai pas de proposition. 2000, 2005. C'est un tout petit peu avant, mais c'est pour dire j'aurais que ça date. Moi. Par contre, 90. C'est resté 1997. Bon, c'est ça pas date, plus important que ça, sauf que ça nous rappelle que le temps passe. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, on n'a pas de temps à perdre chez vous. On a une émission, on l'a terminée. Bah, hein. Tu veux une musique alors, Thierry? Oh, bah oui, qu'on se remette. La musique adoucit les ouais, années. Non. Non, parce que là, on vient de danser, on est fatigué. Hein. J'ai parlé de la danse, mais j'ai pas eu le temps de parler du théâtre. Ah, t'avais pas fini. Excuse-moi. Mais non, parce ça y est, elle nous fait une scène. Vous ne connaissez pas tout de moi. Eh bah, vas-y. Dévoile. Alors, je voulais aussi vous parler du... Excuse-nous, on avait tiré le rideau trop tôt. Non, mais il n'y a pas de souci. Du théâtre, que je... Franchement, je vous encourage toutes et tous à faire, parce que c'est génial là aussi. J'en fais depuis pas longtemps. Bon, je voulais en faire depuis plusieurs années, mais je me suis enfin lancée. Et franchement, c'est génial. C'est je voulais... Alors moi, personnellement, je voulais faire du théâtre pour avoir davantage confiance en moi, pour savoir jouer aussi. Pour être armé pour aller chez Indesta. Oui, c'est ce que voilà. Je voulais dire. Tu viens chez Epic Avenger après. Ce que j'aime beaucoup au théâtre, ce que j'ai découvert, c'est que tu peux exploser les conventions sociales et les règles sociales. Par exemple, moi, je peux jouer une connasse. Tu peux jouer l'inverse de ce que tu es dans la vie. Et ça, je ne dirais pas, mais tu le fais très bien. Et moi, ça me plaît beaucoup. Mais oui, en fait. Tu sais, l'inversion des rôles, la base de carnaval, c'est ça qui est génial. Ah, puis c'est... L'instant, c'est un instant t'es maître, un instant t'es esclave. Enfin bon, tout le monde prend le même repas. Non, moi je suis resté au premier instant. Voire même avant du premier instant. Mais alors, ce qui est particulièrement difficile au théâtre, alors du coup j'ai commencé mon année, ma première année je l'ai close l'année dernière avec un spectacle devant 50 personnes et c'était pas évident franchement. Surtout s'ils mangent, faut pas jouer devant des gens qui mangent, ils font un bordel. Non, ils mangeaient pas mais il faisait très très chaud donc c'était hyper difficile mais n'empêche avec l'adrénaline et le stress, autant en répétition j'avais chaud, j'ai failli faire un malaise et là quand tu passes devant les gens... Tu penses qu'à ton texte, à faire ta prestation et t'oublies j'sais franchement. Je sais pas si c'est ce que tu ressens, mais quand moi je fais ma présentation, j'ai une adrénaline de dingue là à la radio. Hein. Après, c'est pour ça que je dors pas. Ouais, ça fait ça. Et donc au théâtre, ce qui ne semble pas apparent quand tu ne prends pas de cours, justement, c'est la dissociation en fait. Donc il faut apprendre un texte, mais en même temps, quand tu joues avec tes partenaires, il faut avoir l'impression que c'est naturel et il faut écouter l'autre sans l'écouter et parler toi en sachant par cœur ton texte. Du coup, c'est à ce moment-là quand tu connais par cœur ton texte, comme dans tout art en fait, quand vous avez cette base-là d'apprentissage par exemple en danse, si vous connaissez parfaitement les pas de danse, au bout d'un moment ça va venir tout seul quand vous faites une chorégraphie. Et là, c'est plus au niveau dire ton texte, écouter l'autre. Et en même temps, jouer à occuper l'espace, mettre l'intonation qu'il faut, savoir le sentiment. Faire plusieurs choses à la fois. Voilà, tout à fait. Tu résumes très bien. Et ça, c'est particulièrement difficile aussi. Coordonner. Oui. Mais t'inquiète pas, après être passé ici, tu vas le faire très bien. Voilà. Et donc, surtout quand tu auras appris la technique. Je voulais vous encourager, effectivement, si vous êtes timide ou si vous voulez un peu plus explorer l'âme humaine, les relations humaines, parce que c'est super passionnant aussi. Et il y a des étapes qui peuvent être assez dingues. C'est qu'on a reçu aussi chez Indestar, moi j'ai reçu une amie, en fait, par hasard, un jour je lui dis, je la croise à la musée, je lui dis « Oh bah tiens, je me suis mis à faire de la radio », elle dit « Bah tiens, moi j'ai créé ma troupe de théâtre ». Ah bah je dis « Tu viens ? Ok ». Ah bah parfait. Et en fait, elle est passée à aller faire du théâtre dans une asso, à se dire à un moment, ok, je suis prête, j'écris ma pièce et je crée une troupe. Ah bah génial. Excellent. Ouais. Et tu as dit une chose aussi pour laquelle le théâtre c'est vraiment bien, c'est par rapport à la timidité. Ouais. Et ça, c'est... Voilà, ça peut être très thérapeutique. Ouais. Et ce que je voulais dire aussi, un point essentiel au théâtre, c'est que c'est dans un cadre bienveillant et sans jugement. Et ça, c'est assez rare quand même, parce que comme vous êtes à l'école ou au travail, on nous apprend très souvent le jugement et tout ça. Tandis qu'au théâtre, franchement, si vous êtes marginal ou que si vous avez des difficultés, franchement... toujours l'ambiance sera bonne. On reçoit généralement de la bienveillance. Voilà, et c'est génial justement pour se sentir bien, être accueilli. Et il faut oser, comme Martine, si tu nous écoutes, bonsoir. Martine, elle, quand elle a écrit sa pièce, c'est oui, mais alors après, comment on fait pour aller demander? Bah oui, c'est ça, les productions. Et elle a remarqué qu'en osant demander, en fait, oui, on est pas mal reçu parce qu'on est débutant, au contraire. Oui, puis quand c'est une scène, une pièce de théâtre bien écrite et tout ça, je vois pas pourquoi ça serait refusé si c'est un petit bijou. Parce que on nous montre tellement, enfin, des gens qui ont pignon sur rue, oui, bien sûr, faut dépasser ou qui ont des relations, ne sais quoi. Oui, bon. Même quand t'as pas de relation, il faut essayer. Le tout, c'est comme tu dis, d'oser. Oser frapper aux portes. Ça, c'est ce que je dis à tout le monde. Hein. C'est ce qu'a fait Lisa, elle a osé frapper à la porte de l'Indestar. Elle a défoncé la porte. Ouais. Et maintenant, on est obligé de la supporter. Hein. Bon, on n'a pas le choix, tant pis, on fait avec. Voilà. Oser, Joséphine. Et pour finir, juste, il y a des théâtres un peu plus... vous avez différents types de théâtres, au-delà de prendre des cours. Hein, vous avez le théâtre de rue, vous avez le théâtre forum. Alors, je ne connais pas plus que ça, mais par exemple, le théâtre forum, c'est pour se soigner des... Ça peut participer au fait de se soigner des maux, des MAUX, des douleurs morales. C'est un spectacle de théâtre interactif et qui permet, par le biais du jeu théâtral, de faire émerger la parole et la réflexion autour d'un thème choisi. Alors, ça peut être la pauvreté, l'homophobie, l'égalité femmes-hommes. Et au fur et à mesure, vous répétez toujours la même pièce de théâtre. Et au fur et à mesure, en fait, c'est une personne du public qui va pouvoir remplacer un personnage. Comme ça, de là émerge effectivement une réflexion commune, en fait. Donc, ça soigne d'autant plus de la base des maladies, hein, qu'on n'arrive pas à dire, et bien oui, s'exprimer. Les blocages, les préjugés, tout ça. Tout ce qui est communication est bon. Oui, tout à fait. On va communiquer alors autrement ? Je suis resté sans voix, moi j'allais dire, mais... mais bon, oui, on peut communiquer, oui, ouais. Si tu veux, Daniel. En musique ? Oui, en musique. En musique, oui. Ce coup-ci, tu avais fini. Oui, tout à fait. T'as pas, ma passion m'a emporté. Voilà. Bon, mais t'as pas, je sais pas, là t'as un puzzle, t'as pas une passion des puzzles, t'as pas une passion à bébert. Non, allez, on passe à la musique. Hein. Ouais. Allez. Carlin de Cognac. Oh bah, je fais la gueule. Ah ? Oui, je fais la gueule, c'est tout. Ah bon ? Alors fais la gueule, hein. Qu'est-ce que je te dise, hein. C'est pas sur Indestar que je fais la gueule. Je suis comme les nuages. Et vous l'avez reçu ou pas? J'attends la nana qui fait la pièce de théâtre. C'est génial ça de passer à faire du théâtre. Je suis allé chez elle pour une répétition. J'essaie de sourire mal, craigner. Ça faisait longtemps. J'ai pas envie de mentir et mentir et salement. Pas envie de faire plaisir à ceux qui font semblant. Oui, je préfère le dire que me dire les ignorants. Cette comédie n'a que trop duré. Je baisse la tête pour mieux vous ignorer. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. On a beau se connaître, on se parle pas du tout. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je souris à l'envers. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je vis derrière mon masque. Je reste sage, mais je crie derrière mon masque. Mon sourire se travestit derrière l'arnaque. J'essaie de mentir mal, créer les remarques. J'ai pas envie de me salir pour ceux qui sont tremblants. Pas envie de sourire quand je suis face au néant. Oui, je préfère le dire que me dire les ignorants. Cette comédie n'a que trop duré. Je pèse la tête pour mieux vous ignorer. la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je souris à l'envers. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Moi je passe au-dessus des gens. Je m'efface. Moi je passe au-dessus des gens. Je m'efface. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je souris à l'envers. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Je souris à l'envers. Je fais la gueule, je fais la gueule, je fais la gueule. Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Alors, c'est dommage vu que Twitch n'a pas eu le début du jingle. Ma souris a bugué, je pouvais pas appuyer. Non, c'est pas attends, non, c'est attends, l'autre. Attends, attends, on va arranger ça, je coupe. Ben, allez, on remet le début du jingle. Les Peak Avengers, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. En tout cas, c'est sur Indestar, ça c'est certain. Bah voilà, comme ça ils auront eu le jingle aussi. Voilà, surtout que celui-là il est sympa, il rappelle oui, ouais. Forrest Gump. Tiens, à propos d'art, au fait, je me disais, tiens, j'ai vu cette semaine, il y a un artiste qui est connu pour avoir peint du noir lumineux. Vous avez vu, non, un artiste qui est mort mais qui a fait fortune. Ah, à 100 ans là. Il était centenaire. Oui, ah oui, oui, si, j'ai vu, oui. Je me disais, tiens, à un moment, on aurait peut-être pu glisser parce qu'il a inventé un nom par rapport à son noir, en fait, dans lequel on voit ressortir la lumière. Mais en fait, je me dis, putain, le bon filon qu'il a trouvé, lui, parce qu'il a fait plein d'œuvres autour de la même chose. Je dis pas que c'est mauvais, mais putain, les millions. Voilà, c'était la parenthèse. C'était la parenthèse. Si Twitch peut nous trouver le nom de cet artiste. C'est sous le. Qui a un musée ou une exposition. Moi, je crois qu'il a un musée. C'est sous le quelque chose, j'ai vu, je me rappelle pas. Mais enfin, comme quoi, de voir que du noir, ça peut rapporter. Oui. Hein, l'outre noir, c'est pas ça qu'il a. Ah, peut-être, j'ai pas. Cette histoire d'utiliser le noir, mais pour faire ressortir la lumière. Parce que le noir, si tu dis que noir, t'as tendance à voir rien du tout. Quoi. Ah, c'est l'absence de lumière. Hein. Voilà. C'est ça. Et lui, il a dit je les expose de telle manière que, puis il fait des stries, des choses comme ça. Bon, je saurais pas vous expliquer, mais pour faire ressortir la lumière. Ouais. Là, on va parler un peu de Daniel aussi, quand même. Bah oui, on va parler un peu de tout le monde. Bah oui, Daniel, il arrive à faire des choses mais aussi. Oui. Regardez, il est tout triste, le petit Daniel. Ouh, parce que j'en avais marre, je voulais parler avant, moi. Il était dans le noir. Alors, vous le savez peut-être pas, mais sûrement pas, certains d'entre vous peut-être, mais Daniel est écrivain. Ah oui, merde, c'était encore à moi de t'interviewer. Tu es en train de me dire, non mais ça m'obnubile de trouver le nom de cet artiste-là. Quand j'ai une question, il faut que je trouve la réponse. Bref. Je te laissais le temps de chercher éventuellement une question à poser... aux gens qui Daniel. Nous suivent. Hein, ah non, oui. Pas à Père Daniel. Non, mais à Père Daniel, oui, si, il peut. Hein. Donc, j'en ai deux qui sont parus. Si tout va bien, il va en paraître bientôt un troisième. Et moi, j'ai surtout été intrigué par l'un des deux dont je parle à la première occasion. Dès que j'entends vin ou lune, je me dis, ah tiens, c'est le vin de lune de Daniel. Voilà. Et donc, je me suis plongé dedans. Alors, c'est... Dans le bouquin, pas dans le vin. Hein. Voilà. Hein, il ne s'est pas plongé dans le vin. Hein. Voilà. Et donc je me suis dit tiens, ça m'avait l'air intéressant quand tu m'avais parlé, mais c'est bien aussi d'aller carrément dedans. Et donc peut-être la première question serait d'expliquer un petit peu le titre pour donner le goût, l'envie d'aller le lire, et puis après on regardera un peu comment ça se compose. Oui, alors le vin de lune, comme le titre l'indique, il y a une histoire de vin. Ça se passe. L'action est située dans les années 1930. C'est l'histoire d'un gamin qui vient de fêter ses 10 ans, qui vient d'avoir 10 ans, et qui va fabriquer, parce qu'on dit bien fabriquer pour un vin, qui va fabriquer son premier vin. Et dans cette famille, il y a une tradition, c'est de faire son premier vin avec, je vais qualifier, un ancêtre. Donc là, c'est son grand-père, Papy Jean, le gamin s'appelle Petit Pierre. Et donc, pour donner de... quand même un côté aussi bien mystérieux et puis en même temps intriguant à ce premier vin. Dans la famille, il y a une tradition, c'est de faire une récolte nocturne, d'où le nom du vin de lune. Donc la première récolte du gamin sera de nuit, donc son premier vin, ce sera un vin de lune. Et il y a quelque chose de très touchant dont tu viens de parler, c'est cette idée de transmission. J'ai lu, alors plus ou moins attentivement, parce que je manquais un petit peu de temps. Oh, tant que c'est plus que moi, ça va. Et je me suis attardé sur des passages, notamment vers la fin, mais après on ira pas où, mais où il y a vraiment le sens de la transmission, où on se demande si ça va se passer jusqu'au bout et où le grand-père prend la décision d'accompagner la nouvelle génération ou la deuxième, les petits-enfants jusqu'au bout. Enfin, moi, à la fin, ça m'a extrêmement touché de dire, il y a un moment, on attend, allez, viens. Oui, c'est vrai que là, il y a un passage et toutes les personnes que j'ai vues qui l'ont lu, ce passage, bon, d'une part, on ne s'y attend pas et d'autre part, ils me disent, mais c'est vraiment à la fois touchant, c'est prenant, c'est là où finalement le livre prend son sens de nouvelle, donc bah, qui renvoie au début du livre, ouais, finalement, mais, quelque part dans l'esprit. Mais ça me fait penser, tu sais, comme des fois, non, t'es pas encore assez vieux pour entendre ce qu'on a à te dire, pour avoir le sens de la vie, les secrets, etc. Ouais. Et là, on dit, ça y est, c'est le moment. On arrive à la fin. Alors, je sais pas si tu appelles ça un roman, une nouvelle. C'est une nouvelle. Alors, d'après mes connaissances à moi, parce que pour beaucoup de gens, une nouvelle, c'est un petit livre. Bon, là, c'est vrai que c'est un petit livre. Il y a plus d'une centaine de pages, un peu plus d'une centaine de pages. C'est pas un truc qui fait 500 pages. Mais d'après ce que j'en sais, une nouvelle, c'est quand la scène finale ou l'une des scènes finales du texte renvoie à l'esprit du début du livre ou de la première moitié du livre. Ça peut-être être ça, mais pour avoir étudié la nouvelle au sens large, je pense qu'il y a plein de choses, y compris des nouvelles qui n'ont pas d'histoire, mais qui te plongent dans une ambiance où tu te demandes, quand t'as fini, tu te dis mais pas d'histoire, non mais c'est parce que c'était pas l'histoire qui était intéressante. Donc il existe tellement de types de nouvelles et autant de 3 pages que de 25 ou 100, enfin je sais pas combien. Oui, ça peut faire 1000 pages aussi, hein. Voilà, il y a aucun problème là-dessus. Ouais. Alors, donc, oui, je te laisse m'interviewer après tout. Hein. Oui, hein oui, mais ce hein jeu, moi, pour je une fois que tu interviewes, je te laissais dire, ça m'intéressait ce côté circulaire de fin au début, mais aussi ce côté circulaire, justement, de transmettre entre les générations, donc les valeurs que l'on a qui viennent de la terre. Qui viennent de la terre et qu'on sent d'ailleurs tout au long du livre, cette transmission. D'ailleurs, tu prends le temps, puisque tu as trois grandes parties, je crois. Oui. Tu prends le temps d'installer le décor dans la première partie. On sent bien le poids des traditions, le lieu, la terre, les gens qui y vivent. Enfin, tu prends le temps d'installer le décor. Il me semble que c'est comme une scène d'exposition, mais sur un bon chapitre. Oui, surtout que le décor est, je vais dire, réel, parce que j'avais plusieurs possibilités pour installer l'histoire, pour le choix du décor. Et finalement, j'ai pas pris ma ville de naissance, mais celle où j'ai passé mon enfance. Et pour un certain nombre de raisons, j'ai aussi ce que j'ai appelé la ferme de Petit Pierre, de la famille de Petit Pierre, existe réellement. Si on suit les indications du livre, on la trouve. Faut juste suivre, bien se dire. On trouve des mots qui parlent très bien de notre région. Alors déjà le nom Vernou et autres, etc. Ouais. La troglodyte ou des choses comme ça. Bon voilà, pour les gens qui connaissent les lieux où l'on vit, effectivement, on reconnaît, on se dit ouais, ça sent. Alors je sais pas, ça sent l'autobiographie. Mais enfin, ça, on sent que le narrateur, pour pas l'appeler l'auteur, est très proche de ce qu'il raconte. Complètement. Moi, je suis issu d'une famille de viticulteurs. Pour Pour certaines raisons, malheureusement, moi ou mon frère, on n'a pas pu reprendre l'exploitation. C'était totalement impossible. Et quelque part, suite à cet accident, l'idée a mûri. Et un jour... C'est bien le mot mûri, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, pour une histoire de récolte. Qui prend tout son sens dans tous les sens du terme. Et donc, depuis ce jour-là, j'ai eu envie de faire quelque chose. Et pour expliquer la genèse de ce livre... Un jour, d'un seul coup, en plein après-midi, souvent c'est au réveil, mais là c'était en plein après-midi, il me vient une idée. Le vin de lune, paf, le gamin qui apprend, je le note. J'ai rien noté de plus. Au cinéma, on appellerait ça j'ai fait le pitch, comme et au cinéma. Après, j'ai demandé à la lune de veiller et surtout de nous éclairer. Il y a une chose vraie dedans qui est issue d'une expérience personnelle. Comment trouver, surtout s'il y a la pleine lune, comment trouver les grappes mûres ? Je l'explique dans le livre, et ça c'est une expérience personnelle. On allait glaner, manger quelques raisins quand j'étais ado ou gamin dans les vignes, au moment juste avant les vendanges ou pendant les vendanges, la nuit. C'est important d'apprendre d'ailleurs les différentes sortes de... pourriture, on pourrait dire, parce qu'on appelle ça des fois pourriture noble, on pourrait dire machin truc, mais les différents états du raisin, c'est pas parce qu'il n'est pas super beau, super doré, je ne sais quoi, qu'il n'est pas bon, hein. Il faut apprendre absolument à identifier ce qui est bon, parce qu'il y a parfois un aspect qui est peut-être peu ragoûtant parce que c'est pas celui qu'on trouve dans les magasins, mais qui est un aspect de maturité profonde et donc qui va être très bon l'aspect pour faire du vin aussi. Oui, complètement. Et dans ce livre aussi, je pense pouvoir être content de moi. J'ai réussi à vulgariser, alors toujours dans les années 30, à vulgariser les techniques de fabrication du vin. De façon à ce que même quelqu'un qui soit complètement néophyte puisse comprendre au moins... Alors, vous n'allez pas apprendre non plus à fabriquer du vin, à faire vraiment une cuvée extraordinaire. Mais le jour où vous allez aller voir le viticulteur, discuter avec lui, vous allez comprendre ce qu'il va vous dire. Alors, bien sûr, maintenant, certaines choses ont été modernisées, certaines choses ne se pratiquent plus, mais se pratiquaient à l'époque. C'est pour ça que je précise bien les années 30. Et finalement, donc, le jour, comme je disais, le jour où vous irez acheter du vin... Eh bien, vous serez plus comme un andouille lorsque le viticulteur vous parlera de ce qu'il a fait, de ce qu'il a fabriqué, pourquoi il a choisi telle chose, pourquoi il a fait telle chose, pourquoi il a attendu éventuellement tant de temps. Pourquoi il y est retourné plusieurs fois éventuellement, parce qu'il n'a pas ramassé toutes les grappes la première fois s'il a sélectionné. Hein. Et je fais aussi des choses qui pourraient être en rapport, qui sont beaucoup dites actuellement. Il y a un moment, par exemple... où le grand-père dit au gamin de mon temps, on buvait un peu n'importe quoi. Aujourd'hui, dans les années 30, les gens sont de plus en plus exigeants, veulent du bon vin. Ils veulent la bonne piquette. Voilà, voilà. Mais c'est encore plus vrai aujourd'hui. Je fais des rapports. On peut trouver des parallèles, je cherchais le mot, entre notre époque d'aujourd'hui et ce qui se faisait à l'époque. Il y a d'autres plaisanteries aussi, parce que c'est un gamin, donc il y a des histoires de gamins, Il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la lune, par rapport à la nuit. Et tu disais, quand on allait glaner, etc., ce côté mystérieux, ce côté interdit, par rapport à la nuit. Oui, il y a quelque chose qu'on a l'impression qu'on ne peut pas faire. Et pourtant, c'est une pratique. Enfin, on ne sait pas où. Voilà, est-ce que c'est totalement interdit ? Donc, le secret, il ne faut pas le dire. Enfin, bon. Oui, et c'est. Alors, il y a des illustrations aussi, dont l'une d'elles, justement, illustre bien ce que tu viens de dire. Qu'il y a le côté c'est la nuit, on sait pas trop, la nuit est mystérieuse. Et justement, je parle des illustrations. Il y en a 15, 20, je ne sais plus, dont 4 qui ont été prises. C'est ma mère qui avait fait les photos. Et lorsque j'ai écrit le livre, elle m'a dit attends, je crois qu'il m'en reste. je vais vous le dévoiler, ce sont des photos des années 50. Mais les méthodes de travail étaient exactement les mêmes sur les photos qu'il y a là. Des conservateurs sans conservateurs. Je disais déjà ça dans une autre émission. on retrouve le cheval avec la charrue. Alors certaines, je les ai restaurées, certaines photos, parce qu'il y a eu besoin. Et tu t'es bien restauré aussi. Bah avec le vin, oui, on arrive à se restaurer, c'est exact. C'est une sorte d'épopée familiale, en fait. Oui, c'est une épopée familiale. C'est la transmission d'un savoir. On retrouve, on fait connaissance avec la famille, on retrouve la famille. Je parle un peu du village, qui est le village de mon enfance. Comme je disais, j'ai longtemps hésité à savoir où j'allais situer l'action. Et puis je me suis dit, c'est un gamin, enfance, y a quelque chose de commun, donc voilà. Oui, on peut hésiter en se disant, je veux faire quelque chose d'universel, et donc si je fais un peu trop perso, peut-être que, mais en fait, si t'as vécu quelque chose qui peut être compris comme universel, on peut passer par l'autobio. Et partager, en effet. Alors, j'ai embauché toute la famille pour le faire. Donc il y a... Oui, d'ailleurs, il y a la préface de ta sœur, non? De ma sœur Annie. Donc il y a ça. La couverture, on l'a conçue tous les deux. Avec cette... Avec une boîte à chaussures. Alors la couverture, donc une grappe de raisin que l'on voit légèrement éclairée par la lune de nuit, donc le vin de lune, qui symbolise complètement cette fameuse récolte nocturne. Mon frère qui m'a aidé pour la partie technique, et ma mère qui m'a confié ces 4 photos, les 4 seules qui lui restaient de vendange. C'est presque une fabrication artisanale. C'est une fabrication artisanale. AOP. Bon, à savoir que c'est bien parce que le vin, c'est quand même une institution en France, et on a chez nous, dans notre région comme ailleurs, des confréries qui défendent le savoir-faire, etc. Je voulais savoir d'ailleurs, alors il y a ton histoire, etc. Est-ce que tu as été par hasard intronisé ou est-ce que tu ne fais pas partie d'une Ah non, d'aucune, de rien du tout. Ma vie professionnelle m'a souvent emmené ailleurs. Quand je suis revenu en Touraine, c'est pour avoir ce putain d'accident pratiquement. Donc non, ça arrivera peut-être un jour. Par contre, c'est pas impossible. Hein. Oui. Ouais. Mais tu aimes bien boire le vin alors ? J'aime bien déguster le vin. Déguster. Oui, je précise. Oui. La nuance. Alors, quand il est bon, oui, je le bois. Mais je le déguste avant. Alors, je me qualifie pas comme étant œnologue, expert, etc. J'aime apprécier quand c'est bon, mais je veux pas aller plus loin parce que je veux garder une part de mystère, de plaisir par rapport au mystère, donc je me limite volontairement. Évidemment, on précise le vin avec modération. Bien sûr, tu fais bien de le préciser, oui. Oui, parce que nous, on s'emportait là-dedans et on l'oubliait. Et on peut faire de la très bonne cuisine avec du vin aussi. Oui, alors... beaucoup de gens disent, tu parles de cuisine justement, disent « Ouais, c'est un petit vin, le mettre dans la cuisine. » Mettez quand même du bon vin, peut-être pas le meilleur, mais mettez pas une piquette non plus quand même. J'avoue que je crois que dans les générations passées, enfin je sais pas encore, c'était toujours ça, c'était toujours garder le vin qu'on pouvait pas boire pour mettre dans la cuisine. Oui, hey, quand fait. Tu fais la cuisine avec un bon vin, ouais, franchement... Hein. Mmh. T'es pas obligé de tout mettre, hein. T'en mets un petit peu, puis tu te rinces de gosier avec le reste. Alors, c'est vrai que quand le vin est mauvais et puis que ça tramonne les boyaux, tu le mets à faire du vinaigre, le vin qui n'est pas complètement pas bon, oui. C'est ça. Surtout si on s'est donné du mal à bien cuisiner avec des bons produits. Ouais. Mettre une piquette, c'est un peu gâché quand même. Hein. Complètement. Ou comme dit le chat, un bon vin avec une bonne viande. Ah là, le chat a complètement raison, oui. Oui, c'est tout un art de le choisir et de déguster ensemble. Et là, oui, c'est bien de l'avoir signalé, oui. Ouais. Cuisiner au vin, cuisiner au cidre, cuisiner à la bière. Par contre, petit conseil par rapport à la bière, ne prenez pas des bières fortes en alcool parce que l'amertume va ressortir d'autant plus à la cuisson. J'ai fait l'amertume expérience. Non, des bières qui ont un très bas taux d'alcool, mais ce petit côté sucré que vous avez dans le cidre aussi. Voilà, mais à ce moment-là, rajoutez pas des choses qui sont trop douces aussi, parce que trop de sucre, bon. Exact. Tue les saveurs. Ouais. On passe à ton deuxième livre, vu que je vois qu'il y en a un deuxième. Oui, il y en a un deuxième. Le maître de Tomo. Tomo, oui. Alors ça, c'est le premier que j'ai écrit pour m'occuper pendant ce que j'ai eu ce... Voilà, cet accident. Dans un confinement, non? Non, j'ai commencé à l'écrire en 2000, il est paru en 2007, donc j'ai vraiment pris beaucoup de temps. Mais le premier, on fait n'importe quoi. Hein. Donc il a fallu le prendre, le reprendre, le reprendre, le reprendre. Et le but de ce livre, c'était... Bah, je ne pouvais plus bouger, je ne pouvais plus voyager. Ça faisait pratiquement au moins 15 ans que je travaillais en déplacement. Donc d'un seul coup, ça a été dur. Et ce qui fait que je me suis imaginé un héros qui voyagerait à ma place. Alors quelque part, bah, là encore, c'est autobiographique, le héros, c'est moi. Je vous donnerai d'ailleurs une petite info là-dessus. Son nom, c'est Frank Dalos, l'inverse donc de ses initiales FD, l'inverse des miennes qui sont DF. D'accord. Mmh. Voilà. Bah, avec le même nombre de lettres dans le prénom et le nom. Ouais, j'avais jamais fait gaffe. Voilà, bah maintenant tu le sais. C'est les petits secrets de l'écriture. Comme quoi, ouais. Ça y est, non, mais... tu as l'âge de savoir. Non, mais voilà. Même en faisant attention, mais bon, je suis quand même un peu ton fils, donc... J'aurais... Bon, comme t'as dit, un peu, hein. Ouais, j'aurais pu le remarquer quand même, ça. Mais c'est vrai que maintenant que tu le dis, puis bon, moi et la lecture, je vais pas mentir, ça fait un peu de aussi quand même. Ouais, complètement, ouais. En dehors des mangas, et encore, ça dépend des mangas, vu qu'il y en a que j'adore en animé... que je vais pas pouvoir lire en manga ou en scan. Ouais, mais ça m'a fait plaisir que tu le lises. Oui. Ouais. Oh ouais. Ça m'a fait je plaisir. Je l'avais pas lu en entier, par contre, je crois. Ouais, bah tu l'as lu quand même, oui. En partie. C'est déjà un petit peu, c'est oui. Déjà pas mal. Et ça, donc, c'est l'histoire de quelqu'un qui voyage à ma place. Alors, la première édition est quasiment épuisée. Il doit me rester que 5 ou 6 exemplaires à la maison. Et alors, je vais expliquer quand même l'image aussi. Je l'ai expliqué pour le Vin de Lune. Le héros, c'est un ancien légionnaire. Comme ça, ça permettait de bâtir un historique, un passé, de... voilà, et de permettre de dire qu'il a été dans beaucoup d'endroits, il a fait beaucoup de choses. Et donc, la symbolique du livre, donc, le point, c'est le point de Cameron qui est avec le point du capitaine d'Anjou à la bataille de Cameron au Mexique, avec la colombe, symbole de la paix, qui se pose dessus. Donc, le symbole, c'est la paix s'appuie sur la force. Voilà. C'est la symbolique. Donc, bah là, qu'est-ce qu'il fait ? Il part en Colombie défier des trafiquants de drogue, mais c'est pas. Il est à la retraite. Alors, c'est pas dans le cadre de son contrat de militaire. C'est, on va dire, c'est un mercenaire des temps modernes, peut-être un corsaire, tiens, quelque part. Peut-être l'esprit du corsaire, tiens, qui sert une cause. S'il peut prendre des petits bénéfices, il se prive pas. Voilà. Et toi-même, tu as voyagé dans les pays que tu évoques? Non, pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors si, dans le troisième que j'ai écrit, parce qu'il y en a d'autres décrits, il y a des suites, j'ai voyagé dedans parce qu'il y a une partie de l'action qui se situe en France. Mais bon, pour l'instant, le 2 et le 3 sont pas encore édités. J'espère qu'ils y seront un jour. Et là, le prochain à venir n'a rien à voir avec ces deux-là. C'est une histoire historique. Voilà. Et les suites, là, 2 et 3, tu les as terminées Elles sont écrites, elles sont prêtes à être éditées, mais pour l'instant, je suis sur un autre projet d'édition. Déjà. Et comme j'ai d'autres projets encore, et on en parlera dans 15 jours avec un invité qu'on aura, qui sont dans le cinéma. Ouais. Donc pour l'instant. Parce qu'on fera une émission spéciale cinéma. Voilà, dans 15 jours. Et on monsieur recevra. Cinéma. C'est ça. On recevra quelque tiens, part un monsieur. Question. Qui était surnommé Monsieur Cinéma ? Réfléchissez, on donnera la réponse tout à l'heure. Voilà. Donc c'est voilà. Bien, j'ai même plus besoin de le dire. Mmh. Donc deux livres. Alors, le premier était en auto-édition. J'y tenais parce que finalement, c'est ce qui m'a permis de m'aider à me remettre, de voyager, de m'extérioriser. Et le deuxième, j'ai eu la chance d'avoir un contrat d'édition. Donc j'espère que le troisième, là, qui. Ah, c'est bien ça, c'est rare d'avoir un contrat d'édition ou... C'est assez difficile, oui. D'accord. C'est assez rare. Il me semble, oui. Ouais. Et le troisième, je devais avoir une réponse lundi si la réponse était plus ou moins bonne. Je ne l'ai pas eu, donc on va croiser les doigts. Pour l'instant, c'est bon signe. D'accord. Voilà. Mais ça, je vous en parlerai plus tard. Pas de nouvelles. Normalement, oui, c'est ça. Oui. C'est ça. D'accord. Mais qui était Monsieur Cinéma ? Et j'aimerais poser parce que j'aime beaucoup moi lire plus qu'écrire. Mais ton goût pour l'écriture, il t'est venu comment en fait Pour m'occuper. D'accord. Complètement ça. Mais à l'école, t'aimais déjà, enfin enfant, t'aimais déjà. Si j'aimais raconter des histoires, mais je le cache pas, j'ai 61 ans et à l'époque, venant de la campagne. Un travail artistique, qu'est-ce que j'ai pu l'entendre, c'est pas un métier. D'accord. J'ai quand même eu quelque part la chance de, à l'époque en 76, d'être orienté sur l'électronique, qui était nouveau, qui se développait, qui m'a permis, c'est ça qui m'a permis de voyager. Donc je suis vraiment technicien de base, mais j'ai toujours eu cette envie du côté artistique. Et t'as là, cette fibre littéraire. Non, artistique. Ah, plutôt artistique. Artistique. Bah, y a le côté aussi cinéma. J'ai écrit aussi un scénario, mais bon, y a l'écriture. Il y a d'autres choses aussi. J'avais fait de l'animation. Je m'étais essayé à la chanson avec ma voix. Mais j'avais travaillé à la voix. Elle était quand même pas trop mal. Hein. Mais enfin, j'aurais jamais fait de tube non plus. Faut pas exagérer. Il y avait déjà quelqu'un qui avait fait Je t'aime le lundi, je t'aime le mardi. Ouais. Il a fait tous les jours. Il restait plus de jours. Ouais. Alors moi, j'aurais été obligé de faire Je t'aime pas le lundi, je t'aime pas le mardi. Je t'aime avec la lune, je t'aime. Mais enfin, j'aime le vin de lune. J'aime le vin de lune en tout cas. Oh, c'est beau ça pour finir. N'est-ce pas? Oh là là. Je reste sans voix encore. Ouais, bah reste sans voix alors, hein, le temps de te reposer. Hein. Eh bah, je te laisse dire la suite alors. Ah bon sang, mince. J'aurais dû la fermer alors. Hein. Nous allons. Oui, bah c'est Davina Michel. Ah, et comment on dit t'es fou? Est-ce que ça se lit en anglais? ABCDEF. Je pense que ça. Je crois que j'ai oublié le quand j'ai rentré. Ça doit être ABCDEF. You, c'est un cover. Et donc une reprise. Une reprise de Gail. Oui. Enfin, Gail est à l'origine et c'est Davina Michel qui fait la cover. Qui nous fait la cover? On écoute sur Indestar. Indestar. Le direct. Indestar.fr. Les podcasts. Indestar.fr. Retrouver un titre passé sur l'antenne. Indestar.fr. Les infos sur les émissions. Indestar.fr. Les vidéos. Indestar.fr. Les infos artistes. Indestar.fr. Le café du matin. Indestar.fr. Une voiture diesel. Indestar.fr. Les lasagnes au poulet. Indestar.fr. Waouh, il y a beaucoup de choses sur Indestar.fr. Mais je ne suis quand même pas certaine pour les trois derniers. Salut, c'est Linda. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix? Je suis animatrice sur Indestar dans Vita Conso le vendredi soir. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique Rejoins-nous. Indestar, là où tout commence. Même pour toi. Chaque vendredi est unique sur Indestar. Je suis spéciale. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi en direct dès 21h sur Indestar. Là où commence le week-end. Fuck you and your mom and your sister and your job and your broke ass car and that shit you call art. I swear I meant to mean the best when it ended on. I even tried to bite my tongue when you start shit. Now you're texting all my friends asking questions. They never even liked you in the first place. Dated a girl that I hate for the attention. She only made it 2 days, what a connection. It's like you'd do anything for my affection. You're going all about it in the worst ways. Well, I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through. So let me spell it out. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister and your job and your broke ass car and the shit you call art. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck off. Na na na na na na. A, B, C, D, E, F. You said you just needed space and so I gave it. When I had nothing to say, you couldn't take it. Told everyone I'm a bitch, so I became mad. Always had to put yourself above me. I was into you, but I'm over it now. And I was trying to be nice, but nothing's getting through. So let me spell it out. A, B, C, D, E, F. You and your mom and your sister and your job and your Craigslist couch and the way your voice sounds. Fuck you and your friends that I'll never see again. Everybody but your dog, you can all fuck. Ah, t'as l'autre musique qui est lancée. Come to me and I shall give. Décidément. Oui, oui. Ce soir, t'en c'est... oublies pas mal. On met des avant-goûts de ce qui va suivre. C'est ça. Des amuse-bouches, il y en oui. a plein, plein la soirée. Donc tout à l'heure, on a parlé d'un monsieur cinéma. Oui, qui était surnommé monsieur cinéma, notamment à la télévision, sur la télévision publique. Oui, alors, tiens, justement, c'est un rapport avec le prénom, son prénom, avec le prénom du gamin là de mon livre, Pierre. Oui, Pierre. Pierre. Pierre Tchernia, Pierre Tchernia, monsieur cinéma, il connaissait tout. Ouais. On a un autre Pierre qu'on voit sur France 5, notamment dans C'est à vous, qui connaît énormément le cinéma parce qu'il a été PDG de Canal+. C'est Pierre Lescure, si je ne me trompe pas. Oui. Hein, qui connaît beaucoup, beaucoup le cinéma, qui présente parfois les rendez-vous en direct de Cannes sur la chaîne. D'accord. Canal, et voilà. Oui, il y a des gens qui connaissent bien leur milieu. Exact. Oui. Oui, donc là, bah, ça va être à mon tour un peu de parler de ce que je fais d'artistique. Oui. Alors, c'est pas de l'art au sens propre du mot, c'est plutôt la façon de le faire. Vu que moi, j'ai pris en exemple donc l'e-sport sur FIFA, vu que j'ai été professionnel dedans, ça m'arrive toujours de faire des compétitions et c'est la manière dont je joue. Tout le monde m'a dit, mais elle est ultra belle, c'est artistique. Et pour un peu expliquer. Ma manière de jouer, c'était l'Espagne de la grande époque. Donc beaucoup de passes, beaucoup de retours en arrière, on endort l'adversaire, on fait une percée, s'il y a une erreur, on y va. Mais quand on voit ça, tout le monde me dit c'est ultra beau à voir. Est-ce que l'e-sport est fait, enfin, je veux dire, un numéro comme la plupart des arts? Oui. Oui, hein. Oui, bah oui. Et donc, je vais juste parler de ça. Donc, tout d'abord, pour un peu expliquer, l'e-sport sur FIFA par jour, ça requiert 2 heures d'entraînement, souvent. Donc, c'est souvent, on conseille 2 heures par jour d'entraînement sur les écrans, donc c'est nickel. Alors, moi, le petit truc, je ne passe pas 2 heures d'entraînement, je suis plutôt à 4 heures. Avec ma manière de jouer, tout ça, c'est un peu plus compliqué. Donc, forcément, faut garder le côté artistique aussi. Et ça, c'est une chose qui me tient pas mal à cœur, quand même. Après, donc, en France, donc, il y a eu pas mal de très grands champions. Il y a eu Bruce Granek, qui est le recordman de champion du monde. Oui, c'est vrai, Cocorico. Ouais, qui en a eu 4 au total, quand même. Mmh. Oui. Donc 3 sur FIFA et 1 sur PES. Oui, en plus, pas sur le même jeu. Pas sur le même jeu, oui. Ouais. On a eu donc plus récemment Rocky, qui a été champion du monde aussi. Et Dax, qui est un prodige aussi. Donc je voulais un peu parler d'eux, vu que bon, c'est quand même des joueurs exceptionnels, qui sont tous d'un niveau champion du monde. Bon, sauf Bruce, maintenant, qui a diminué forcément avec l'âge. Il arrive à plus de 30 ans, donc... Arrivé à 30 ans, bah quand on voit ce que demande le jeu maintenant, il le dit lui-même assez régulièrement, mais je suis devenu nul. Quand je vois le reste à côté... C'est comme un sportif de haut niveau, en c'est fait. C'est ça, mmh. C'est totalement ça. Ouais. Et... C'est, d'ailleurs, c'est pas comme, c'est. Oui. C'est un sportif. Oui, c'est un sport. C'est reconnu comme... Oui, c'est reconnu. Oui, oui, on emploie le terme de e-sport, sport électronique. C'est, mais... Je okay. ne sais pas où ça en était, mais c'était prévu que l'e-sport fasse sa place aux Jeux Olympiques. Mmh. Oui, c'était en discussion pour Paris voilà. 2024 et bon, ils ont préféré mettre autre chose a priori. Ouais, c'est quand même bien dommage. Mmh. Je trouve que. Mais ça risque d'être là pour Los Angeles 4 ouais. ans plus tard. Et auquel cas, c'est bien que ce sera les États-Unis. Oui, oui. Je États-Unis, préfère oui. que ce... ouais. Alors, sans vouloir être méchant, je préfère que ce soit les États-Unis qui le fassent en premier que la France. Oui, alors j'aurais mis États-Unis, Japon ou Corée pour commencer, oui. un des trois, mais États-Unis, oui, c'est voilà. très bien. De toute façon, États-Unis, Japon, Corée, c'est un peu ceux qui dominent ouais. un petit peu. Ouais. Il y a les Chinois aussi qui dominent pas mal. Ils trichent un peu parce qu'ils embauchent des Coréens, en fait. Oui, ouais, mais dans la nation, c'est quand même la Chine. C'est, certes, ils trichent. Ouais. Les teams sont chinoises, oui. Les ils équipes jouent sont un petit chinoises. Peu, mais c'est la team ils chinoise. Ils tournent au riz Corée. Hein. Oui, c'est ça. Oh, celle-là. Au riz Corée. On n'a pas le dalam. Ouais, on ne l'a pas, c'est bien dommage. Ouais, vu que celle-là, elle l'aurait méritée. Ah oui, complètement, ouais. Il va falloir, oui, qu'on mette des jingles comme ouais. ça. Tiens, oui. Ah, ça s'appelle pas des jingles, mais des sondes. Des sons. Oui, des sons, oui. Oui, vu que des jingles, c'est ce qu'on a eu tout à l'heure. Il y a une donc, époque, j'ai fait des émissions ici où il y avait une tablette, où il y avait des sons, hein, et ils n'utilisent plus cette tablette-là. Ah, il va falloir qu'on travaille le sujet. Oui. Il va falloir demander. Oui, il va falloir qu'on remette des sons. Ce que le chef en a fait de cette petite tablette, ouais. on appuyait, il y avait même, des rires, des claps, des je ne sais mais quoi. Mais même ou... là, on a ce qu'il faut là aussi, tu vois, on passe là, et hop, on a des... Hop. Alors c'est bien vu que t'as fait hop hop, t'as montré à Lisa, mais nous on a absolument rien vu. Nous on n'a pas. Non, moi non plus parce que j'ai la mascotte devant moi et je n'ai rien vu. Donc au final t'as montré, mais pour rien. Justement, j'ai fait hop hop, j'ai fait mon sport électronique moi-même. Oui. Non, c'est qu'on a ce qu'on appelle un Stream Deck qui nous permet d'avoir un tableau sur lequel sont inscrits les jingles, les beds et divers sons. Et ça nous permet de sélectionner ce que l'on veut, ce que l'on souhaite mettre. Là, par exemple, j'appuie sur le Stream Deck, paf, j'arrête le son et je remets. Ah oui. Et je remonte le son, comme dit la chanson. Jour, nuit. Alors, comme me dit le chat, c'est il a montré à lui-même. Oui. J'avoue que j'aime beaucoup la formule. Ouais, merci le chat, j'y ai pas pensé, mais je crois que je la recaserai celle-là. C'est une forme de communication, de se parler à soi-même. Ouais. Pour en revenir à ça, Daniel, forcément, tu m'as vu pas mal jouer. Ouais. Toi, c'est pareil, tu me disais que c'était assez beau à voir. Bon. Oui, c'est vrai que je prends plaisir. Alors. Bon, c'est pas parce qu'il y a la relation familiale, tu l'as dit un peu tout à l'heure, mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui sont très heurtés, qui sont, quand ils jouent comme ça à ce niveau-là, qui ont la pression, qui ont un jeu heurté, qui ont un jeu très stéréotypé, que toi, il y a quelque chose de joli, d'artistique, c'est pour ça qu'on en parle. Oui. Il y a toujours une certaine grâce dans ton jeu quand même, hein. Oui, je pense qu'on peut le dire. Ouais, je pense, oui. Vraiment. Un doigté. Voilà. Mmh. Je peux peut-être quand même faire des comparaisons avec le... Oui, c'est un doigté parce que c'est la manette en plus. Oui, hein, non, mais oui. C'est exact. Et quand je le disais, je pensais à Daniel qui en ce moment a les doigts qui coincent, qui dérapent. Qui... Oui, oui, j'ai eu beaucoup de soucis. Oui, ça c'est... Voilà. Mais si je peux me permettre de faire une comparaison... Je pense que ça va être un compliment. Au foot, on parle du Brésil qui est exceptionnel. Oui. Hein, au basket, on parle des Harlem Globetrotters. Mm. Je pense que toi, à ta façon, tu es un peu de ces deux-là quand même. Hein. Mm. Hein, ouais. Pour le côté spectacle que tu ramènes et pour t'avoir vu aussi des fois sur grand écran, même sur d'autres jeux, tu peux pas t'empêcher d'amener quelque chose de joli. Je suis obligé de ramener cette grâce un petit peu comme on disait tout à l'heure. Oui, c'est ça, oui. Et c'est pour ça que c'était quand même important d'en parler, pour expliquer aux gens que déjà le jeu vidéo, on arrive à comprendre que ce n'est pas le diable. Non. Que ça développe un certain nombre de choses au niveau réflexe, mémoire. Alors bien sûr, il ne faut pas en abuser, évidemment. Voilà, c'est comme le vin, c'est avec modération. Quand on voit tout à l'heure, je disais l'e-sport, donc sur FIFA, c'est 2 heures. Mais je vais prendre Call of Duty en exemple, c'est 12 heures par jour d'entraînement. Oui, à cause des maps, etc. Voilà, vu que... Pour expliquer un peu, vu que je connais un peu ce milieu-là aussi, c'est en fait le truc sur FIFA, on va dire, t'as des phases de jeu à répéter que tu vas pouvoir faire. Donc, admettons une passe entre tes 4 défenseurs, on va dire, c'est relativement facile à faire. Que sur Call of Duty, il faut que tu connaisses par cœur les murs des maps, vu que tu as des murs que tu vas pouvoir traverser en tirant dedans. Oui. Et ça, faut qu'ils le connaissent par cœur, les mecs. Faut qu'ils connaissent par cœur les trajets des joueurs. C'est assez différent, effectivement. Oui, voilà, c'est des choses totalement différentes. Donc, il y a des jeux qui demandent beaucoup plus de temps, comme Call of Duty, comme League of Legends. Il y en a d'autres qui demandent moins, comme FIFA, même si souvent FIFA, je ne connais aucun pro qui se limite à 2 heures d'entraînement par jour. Ouais, FIFA, le problème, c'est pas le jeu en lui-même, c'est toute la stratégie qui est autour qu'il faut connaître. Oui, vu que forcément, comme dans le vrai foot, tu as le droit à des changements. Mmh. Et un changement, admettons, fait à la 59e minute ou à la 60e, n'a pas le même impact. Pourtant, il n'y a qu'une minute d'écart dans le jeu. Complètement. Donc, en vrai, t'as quoi ? T'as peut-être 5 secondes d'écart, 5-10 secondes. Donc, et donc, en fait, quand tu joues sur FIFA, tu connais ton équipe, du coup ou... Oui. Ah, voilà. Oui, c'est... Oui. Par exemple, moi, la chose que je fais, souvent, c'est les joueurs modifient leur numéro de maillot. Par exemple, je vais prendre un exemple sur FIFA Ultimate Team, Neymar va avoir le numéro 10 assez souvent. Et moi, je lui mets jamais le 10. Vu que le numéro 10, pour moi, vu que je joue avec un milieu offensif, c'est le joueur qui va organiser ton jeu. Et pour moi, mon numéro 10, c'est lui. Je me repère à leur maillot. D'accord. Ce qui fait que, par exemple, je vais reprendre Neymar. Neymar a le numéro 7. Vu que le 7, à savoir, c'est mon chiffre préféré. Donc, sachant que c'est mon joueur préféré actuellement, forcément, je lui ai mis mon numéro préféré. C'est ton petit coup de cœur. Oui, c'est ça. Ouais. Ce qui fait que je sais que quand je vois le 7 derrière... pied droit ou pied gauche, je m'en fous, je peux tirer des deux pieds avec lui. Mais par contre, à l'inverse, un joueur qui va avoir qu'une étoile en mauvais pied, si je vois que c'est mon numéro 10, je vais dire attention, lui, je peux pas tirer du pied gauche s'il est droitier. Et inversement, s'il est gaucher, je peux pas tirer du pied droit. Et ce qui fait que bah, souvent, je me repère avec ça. Il y en a d'autres qui se repèrent avec la coiffure des joueurs. Alors honnêtement, là, je sais pas comment ils font. C'est un don. Bah, un don, oui, et je pense que c'est surtout beaucoup de travail aussi sur ça. Vu que bon, il y en a, c'est avec ça. Il y en a d'autres, par exemple, il y a des joueurs qui ont des poignets ici, qui ont des bracelets. Ah oui, d'accord. Ouais. Bah, il y en a, ils se repèrent avec ça. Ils essayent de prendre que des joueurs qui en ont, et ils arrivent à se repérer avec la couleur, avec où c'est placé. Et là, par contre, on est sur un niveau... Une perception de l'axe, ouais. Là. Oui, c'est largement au-dessus de moi, avec juste mes petits maillots, entre guillemets. Et comment t'en viens parce qu'à un moment, tu disais que t'avais pu être professionnel. C'est, oui. Tu commences comme ça chez toi, et puis... Alors, moi, j'ai eu un gros coup de bol, vu qu'il y a quelques années, il y avait eu ce qu'on appelait la Game Tour Festival, et j'avais pu rencontrer justement un très gros joueur qui m'avait pris sous son aile, qui m'a appris à jouer, qui maintenant bah, je l'ai dépassé. D'accord. Et justement, donc après donc j'ai fait des tournois, j'ai fait ce qu'on appelle la Orange Ligue 1, qui est justement une compétition entre les 20 clubs de Ligue 1, donc les 20 clubs de l'élite, et tu vas choisir de représenter ton club de cœur. Donc à l'époque, j'avais hésité entre deux clubs, qu'à savoir, donc j'ai de la famille du côté de Lorient. Donc forcément, le FC Lorient, bah, c'est un club que je supporte depuis tout petit. Et mon autre club de cœur, bon, qui a disparu de la Ligue 1 l'année dernière, c'était Bordeaux. Et bah, j'ai choisi de représenter Lorient quand même. Donc, ce qui fait que bah, la Ligue 1, j'ai fait des compétitions à Lorient. J'ai été assez loin quand même, j'ai été jusqu'en quart de finale. Bah, le plus loin où je suis allé, c'est quart de finale. Et j'ai perdu 1-0 contre le futur gagnant de l'édition en plus. Ouais, et c'est... Pas pour trouver une excuse, mais tu t'es retrouvé avec des problèmes de connexion, de gameplay. Alors, je sais plus ce qui s'est passé. Pour lui, c'était pas ça. Ouais. Pour lui, j'avais pris un pari à la 80e. J'avais fait monter tous mes joueurs. Je me suis dit, bah, c'est le moment de tenter. Vu que de toute façon, c'était match nul, il fallait rejouer un match. Ouais. J'avais pas franchement le temps de rejouer un match non plus. Donc, j'ai pris un pari. Je me suis dit, si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, bah, tant pis. Au moins, je perds contre un excellent joueur. Et je préfère perdre contre un excellent joueur que contre un nul qui ne sait pas aligner de passe. Mais ça arrive assez souvent, ça, malheureusement. Oui, parce que... Tu pourrais jouer à FIFA, alors. Ouais. Non, mais c'est oui. C'est pas très bonne. Il y a, quand c'est en ligne, il y a une chose qu'il faut expliquer. Il y a, on va dire, un arrangement de la part du créateur du jeu. Du créateur ce du qu'on jeu. Appelle le rééquilibrage. Justement. Le rééquilibrage qui permet, quand quelqu'un n'est pas bon... De qui pas se faire. Voilà, qu'il puisse un peu jouer quand même. Oui, sauf que des fois, on va dire que c'est un peu abusé. Alors, rééquilibrage, vu qu'ils en aient eu un, bah, c'est le week-end dernier notamment. Tiens, je vais reprendre Neymar, qui est un joueur qui court extrêmement vite et qui est agile. Honnêtement, tu me mettais une pierre à côté, mais je voyais pas la différence entre la pierre et Neymar. Bon, normalement, ça pose un problème. Voilà, là, j'imagine la pierre courir, moi. Alors que bon, Neymar est quand même le meilleur dribbleur au monde actuellement. Donc, niveau agilité, c'est quand même un mec qui sait faire. Mm-hmm. Et donc, pour finir, donc, j'ai un peu demandé à la personne justement qui m'avait repéré s'il avait une phrase à me dire que je pouvais faire passer. Alors, il m'en a donné une. Il m'a dit, donc, dans ce milieu, un raté peut réussir. Donc, même si on n'a pas spécialement de talent ou autre chose, on peut y aller. Mais par contre, il doit s'entraîner suffisamment pour rattraper les génies. Donc, si... Ça, c'est pour tous les joueurs qui se considèrent un peu comme ratés ou comme nuls qui nous écoutent. Bah, n'hésitez pas, les gars, faut y aller. De toute façon, c'est à force de jouer qu'on devient meilleur. Il n'y a pas de secret, malheureusement. Si je vais reprendre le génie, mais un génie qui ne fait rien, ça devient un joueur lambda après, donc un joueur ordinaire. Mais dans tout art, dans tout sport, voilà, il faut s'entraîner. Mmh. Hein, il faut le faire. On voit, tiens, je vais reprendre le foot en exemple, mais par exemple, Lionel Messi. C'est le génie. Et à côté, vu qu'il y a beaucoup la rivalité Lionel Messi-Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo est un génie aussi, mais un génie du travail. Donc lui, il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Donc c'est pas un joueur que j'affectionne, honnêtement. Mais par contre, c'est un joueur que je respecte beaucoup par rapport au travail qu'il a donné. Mais qu'il a vraiment beaucoup bossé pour en arriver là, et respect. Ouais, c'est bien. C'est bien de remettre les choses au point comme ça. Voilà. Ouais, complètement. Et donc, pour finir sur mon côté artistique, alors, j'en ai pas retrouvé, mais pendant que j'étais au collège et au lycée, je faisais du dessin un petit peu. Et donc, je dessinais beaucoup les personnages de manga. Donc, que ce soit des yeux, par exemple, le Sharingan dans Naruto, le Rinnegan dans Naruto. Ça m'est arrivé de dessiner bah, Pikachu aussi, qu'on peut voir à l'image. Ça m'est arrivé de dessiner d'autres personnages aussi, comme Kira de Death Note. Je dessinais beaucoup et j'ai pas retrouvé l'album. Oh, par Death contre. Note, ça fait longtemps. Ouais. Je ressors mon carnet. C'est ça, mais ça m'a. Je dessinais beaucoup. Bon, j'ai arrêté actuellement vu que moi j'ai plus vraiment le temps, puis ça m'intéresse plus vraiment non plus. Mais donc c'était pour montrer que bah, le côté artistique, on l'a tous, que ce soit sur le dessin, sur la danse, sur le théâtre, sur le livre, sur le jardinage, sur les jeux, on a tous un côté artistique et faut on pas a, on a des ressources, on a des talents cachés en fait, et ça demande qu'à être dévoilé quoi. Faut oser comme tu dis, oui, ouais, complètement. Et donc voilà. Bien. Et c'est bien sympa de partager tout ça. Ouais. Oui, ça. Oui, parce qu'en plus on a tous un art différent. Franchement, ouais. C'était hyper sympa. Complètement. Un art différent et des valeurs communes, parce que je crois qu'on s'est retrouvés. Hein. Oui, bah. Ouais, complètement. On se remet avec Jasmine Thompson. Qui adore. Oui, qui adore ce qu'on fait, ça là-dessus, il y a strictement. On adore une des stars. Seeing you down every road. I'm waiting for it, that green light. Cause on the aisle, come get my things. agence touriste de la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. J'adore quand Peak Avengers se déroulent sans accroc. C'est t'y vas trop tôt, Daniel, à chaque fois. Ouais, non, mais là, je suis encore dans les bêtises, justement, depuis le début, là, que ça m'a perturbé, là, que, qu'a été fait une manip que moi, j'avais pas fait. Donc, voilà, hein, c'est... Ok, c'est bon. C'est bon, on y va, on continue. Ah, bah, on est toujours là. Bah, c'est à toi, là, c'est, ouais, ouais. C'est l'heure du jeu. Ouais, ouais, complètement. Alors, vous m'excuserez, je fais deux bricoles. Hop, ouais, hop. Ouais, ouais, ouais. Hop. D'accord. Hop, c'est le jeu. Alors, le jeu, à voir avec les artistes. Hein, puis comme, comme vous avez vu, bah, on a un côté artistique, mais bah, on est tous bénévoles, on fait ça pour nos loisirs. Donc, on a un travail à côté. Les grandes vedettes, avant d'être des vedettes, elles ont fait des petits boulots. Oui. Donc, le jeu, ça va être... De retrouver le petit boulot. Voilà, de retrouver le petit boulot, peut-être par, de, parfois par point commun, par... par contre, elle est où, ma feuille? Ah. Elle est là. Oh. Voilà. Bah, ça, ça me plaît bien comme jeu, moi. Ouais, je sais pas ouais. si je vais être forte, mais... Ouais. Alors... Je pense que je vais être nul et je pense que je vais pas aimer vu que je vais perdre. Mmh. Ah, ça, éventuellement. Tiens, on va commencer par un qui a fait beaucoup de choses. C'est Brad Pitt. Oui. Ah, qu'a-t-il... moi, je sais. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était en sandwich ou en poulet, là. Ouais, c'est, ouais. C'est une des plus pour curieuses. De la, pour faire de la promo, c'est ça? Ouais, ça il a été serveur déguisé en poulet pour une chaîne de restaurants. C'est connu, ça. Ça. On imagine. Et, mais il n'a pas fait que ça. Non, il n'a pas fait que ça, mais les autres, je ne connais pas. Et bon, il a été déménageur, chauffeur en livreur, et surtout, il a été chauffeur, ce qu'on appelle chauffeur de stripteaseuse. Chauffeur de stripteaseuse, ouais, c'est un métier, ça, d'accord. Oui, alors c'est un peu un genre de chauffeur de salle, donc pour préparer la salle par rapport au striptease, ah, etc. D'accord. Voilà, donc c'est ça. D'accord. Alors, dans le même genre, moi, j'ai retrouvé quelque chose qui... J'ai trouvé sympa aussi, c'est Georges Clooney. Ouais. Qu'a-t-il fait? Déguster du café. Ouais, ça, entre autres... C'était un petit en goût. A peut-être planté avant. De... Qu'est-ce qu'il a pu faire? Ah, qu'est-ce qu'il a pu faire? George Clooney, alors je sais pas, distributeur de journaux. Voiturier? Non, alors distributeur de journaux, je l'ai vu ailleurs. Non, il a pas été voiturier. Pas lui. Oui. Alors c'est Tom Cruise qui a été vendeur de journaux. Ah. Ouais. Il y a un rapport avec les femmes, George Clooney, c'est pour ça que je l'ai. Mannequin? Non. Stripteaseur? Non. Alors bon, d'une part, il a été agent d'assurance. Bon, ça, c'est pas trop un petit boulot. Serveur? Non plus. Est-ce qu'il a travaillé dans un magasin de vêtements pour femmes? Il a été vendeur de chaussures pour femmes, en effet. Ah, d'accord. C'est original, ceci. Ouais, ouais, c'est ça. Et il a travaillé aussi avec ses parents dans les champs de tabac. Ah, ok. Donc, c'est, voilà, c'est quelqu'un qui... Et donc, t'as trouvé pas mal de choses. Et depuis, mais... il fait un tabac. Oui, il fait un tabac depuis. En buvant du café. Avant, il ramassait, maintenant, il le fait, le tabac. Hein. Alors, travailler dans les champs, justement, il y en a qui ont eu, on va dire, oui, un rapport avec l'agriculture. Alors, il y en a, je vais vous le donner tout de suite, parce que vous le connaissez peut-être pas trop, c'est Matthew McConaughey. Si, ah, oui, c'est un acteur... Oui, c'est un acteur, oui, bravo. Connu, c'est... connu, oui. Oui, mais bon, pas parmi les plus connus. Il a été, il a, à une époque, il nettoyait des poulaillers pour gagner sa vie. Donc, voilà, comme quoi les poulaillers... Il n'y a pas de saut métier, Ouais. Voilà, comme quoi les poulaillers mènent à tout. Hein. Mais il y a eu quelque chose aussi, alors, le nom du travail, la terminologie va peut-être amuser... En plus, c'est une femme, donc je vais le dire au féminin. Elle a été castrice de maïs. Elle a castré du maïs. Alors ça, je savais que ça allait faire rire. Qu'est-ce que la castration de maïs? Alors, pour en avoir fait un petit peu, c'est quand on arrache ce qu'on appelle le panicule, je crois, de l'épi qui est en haut. Ouais, l'épi mâle, voilà. C'est ça. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, on castre le maïs pour permettre un bon rendement... Alors, ça y est, il y en a un qui est explosé. On l'a perdu. Ah. C'est que j'imagine la scène, en fait. Ben, on tire sur le pénis qui est de la plante et on l'arrache. Julia donc... Roberts? Non, c'est pas Julia Roberts. C'est de... J'en parlerai tout à l'heure, tiens, de Julia Roberts. La même période ou... Ouais, à peu près, on va dire, oui, c'est à peu près la même génération. La même génération. C'est une mannequin. Une mannequin, pardon, faut le dire au féminin. Tu veux dire Schiffer ? Non. Naomi Campbell. Non, ça commence par un C, son prénom et son nom. C'est Cindy Crawford. Yes, ah, oui, c'est Cindy Crawford. Oui. On l'avait oublié celle-là. Hmm, ouais. Alors, j'allais pas le dire. Ouais, bah oui, celle-là, tu la connais pas trop. Hein. Non. On en parlait beaucoup quand on était enfant, mais après, on a oublié. Oui. Ouais. Ah. Alors, celle-là, bah, le chat va pouvoir aussi répondre s'ils ont envie, s'ils ont des idées. Hein. J'ai relevé beaucoup de vedettes qui ont travaillé dans l'alimentaire. Auriez-vous des noms à me citer ? L'alimentaire au sens large, ça peut être la restauration. Alors, on va dire, c'est plus la... C'est, oui, qui vendent... Se travailler dans les fast-foods. Alors, j'ai vendeuse de pizza, vendeur de marrons, vendeur de popcorn, oui, de hot-dog, préparatrice de sandwich, employée chez McDo. Il y en a une qui a même été... Alors, c'est précis. Vendeuse de donuts à Times Square. Oui, c'est vachement précis, ça. Ah ouais, non, ouais, ouais, c'est là... Ah. Mais moi, j'ai pas personne. C'est une, j'ai une, aucune idée. Une hyper vedette de la chanson américaine qui commence quand même à avoir un peu d'âge maintenant. Madonna ? Yes. C'est elle qui a été qui a vendu des donuts à Times Square. D'accord, vu qu'on me proposait aussi Justin Timberlake. Justin, je ne l'ai pas là dans ma liste. Alors, il l'a peut-être fait, mais je ne l'ai pas dans ma liste. D'accord. Hein ? Donc, alors justement, tu parlais de Julia Roberts ? Hein ? Bah tiens, justement, on en parlera plus tard. Parce qu'elle elle a vendu des pizzas, mais il y aura aussi une autre question avec Julia Roberts. Il y a une histoire avec Johnny Depp, qui a vendu des stylos. Il a vendu des stylos ? Ouais, mais comme c'était une arnaque, après sa première vente, il a rappelé le client en disant « Non, finalement, c'est une arnaque, je veux pas vous faire la vente. » Ah, il assumait d'accord. pas d'avoir arnaqué, d'accord. Kate Winslet, elle aussi a travaillé dans le restaurant. Oui. Elle a travaillé dans le restaurant du Titanic. Peut-être. A préparé quoi, elle ? Elle était serveuse ? Non, aux États-Unis. Ouais. Non, elle n'était pas serveuse. Cuisinière ? Elle était préparatrice. Ouais, alors on peut dire. De sandwich ? Cuisinière. Oui, de sandwich. Parce que bon, aux États-Unis, c'est plus pas tellement de la cuisine, c'est de la préparation hein, au niveau des sandwichs. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais. Parmi les gens connus, donc il y a Tom Hanks aussi, ouais, qui a vendu du popcorn et des cacahuètes. Ça l'a fait courir. Apparemment, oui. Ouais, apparemment. Il a cru que les popcorns qui pétaient, bah, c'était des explosions, c'est possible. Alors, Julia Roberts, c'est pareil qu'Obama, aurait pu travailler chez le même employeur. Que aurait pu faire cet employeur ? Une sorte de maison blanche. Une MJC, un truc pour les adolescents. Non. Non, par contre, il y a un dessert qui comporte une partie de ça. La Dame Blanche ? Ouais, qui est considérée comme une... Comme une crème fouettée. Non, mais il y a de la glace à la vanille dedans. Oui. Ouais. Comme un dessert. Et ils ont travaillé tous les deux. Ouais, c'est un dessert, la Dame Blanche. Ah, ils ont travaillé chez quelqu'un qui fait de la glace qui est très connue. Ouais, alors... Une barre de glace. Non, mais ils ont travaillé tous les deux chez des glaciers. Barack Obama, donc... Avant d'être président des États-Unis, parce que je pense pas que ça soit depuis quand même. Et Julia Roberts aussi. Il se regarde dans la glace. Les Rolling Stones. J'en ai trouvé deux. Les pierres qui roulent. Ouais, voilà. J'en ai trouvé deux, dont un qui est pas loin de chez nous, oui, qui a fait des petits boulots. Surtout lui, un peu curieux quand même, hein, Mick Jagger. Enfin, je dis une baraque pas loin de chez nous. Hein. C'est plus une baraque à ce niveau-là. Hein. Oui, c'est un domaine. Domaine royal. Domaine avec un château. Une baraque. Ouais, ouais. Et c'est pas la baraque Obama. Hein. Non plus. Non, ça y est, je voulais la caser depuis le temps, je l'ai faite. Hein. Je m'en suis douté. Je m'étais préparé. Hein. Prof de gym ? Non. Non. Par contre, Keith Richards... Oh, c'était pas ça. Ah non, les profs, alors... non, on verra après. Mick Jagger, ça n'a rien à voir. Mick Jagger, il a été brancardier dans un hôpital psychiatrique. Ah oui, parce qu'il expliquerait ça. Oui, alors après, c'est comme infirmier, on fait parfois ça un peu dans sa vie. Ouais. On recrute tout le temps dans cette profession, c'est on ne se retient pas. Hein. Ouais, non, mais ça, oui, brancardier, je pense. Moi, j'ai un petit souvenir comme ça que j'avais été faire un dépannage, je faisais de l'alarme, de la sécurité à l'époque. Dans un, on peut dire, on dit hôpital de psychiatrique, maintenant à l'époque on disait asile de fou. J'ai été faire le dépannage. J'ai rappelé le patron après, j'ai dit, prochaine fois, même si c'est selon mon secteur, je n'y retourne pas. J'ai cru sortir complètement fou, c'est le moment de le dire. Ça t'a traumatisé. Ah ouais, mais complètement. J'entendais hurler constamment. Alors j'avais un casque sur les oreilles à cause que j'utilisais pour les sirènes. Mais même sans sirène, j'utilisais. Et même avec ça, je me suis dit, mais comment ils font ? Ou alors Keith Richard, lui, a été ramasseur de balles dans un club de tennis. Bon. Oui, bah ça c'est pareil. À 15 ans, oui. Tu fais un petit boulot, tu peux passer par là. Tant que ça te rapporte de l'argent. Tant que tu ne te prends pas une balle à vitesse grand V. Il y en a qui ont été chauffeurs de taxi ou chauffeurs de bus scolaire. Ouais. Alors, il y en a un, c'est un Français. Du Jardin. Non. Non, non, Du Jardin était serrurier, lui. Ah. Ouais. Jérémy Ferrari. Non, ça aurait pu, lui. Hein, ça, tu parce sais que... qu'il a fait beaucoup de petits boulots. Mais... Ouais. Non, mais j'en ai retenu qui ont essayé d'avoir des rapports, des... Et je finirai sur un hyper curieux quand même. Chauffeur de taxi, si tu le fais avec des célébrités, c'est l'occasion. Bah, il est, enfin, célébrité. Lucie, il est connu. On propose Renan Luce. Non, c'est Harry Habitant. D'accord. Ouais, tu connais pas trop, toi. Non. Oui, non, c'est un humoriste. Un humoriste. Mais on est meilleur. D'accord. Je vais me faire des ennemis. Il y en a mais qui aiment, il y en a de... qui aiment pas. Ah, non, mais on nous propose Vanessa Paradis par rapport à Joe le taxi, forcément. Ouais, ah, ça aurait pu, oui. Ça aurait pu. Non, c'est pas ça. Et... Bon, voilà, c'était une mauvaise blague que j'ai faite, hein, dire qu'on t'aime meilleur. Hein. Un peu de. C'est mon ego qui a parlé. Hein. Et l'autre, chauffeur de bus scolaire. Ton ego avait pas tort. Comment ? Ton ego avait pas tort. Alors, est-ce qu'il est connu ? Très connu. C'est un acteur américain. Je vais donner un indice à Kevin qui va peut-être trouver. Il a joué dans le film Red. Bruce Willis. Non. Merde. L'autre. Malkovich. Ah ouais, avec son petit cochon, justement. Voilà. John Malkovich. John Malkovich. Excellent acteur. Alors, dans les trucs très curieux, j'ai retenu Pierce Brosnan. James Bond. Alors, Dave... Pour faire ma liste, j'ai enlevé les trucs du spectacle, petit boulot du spectacle. Sauf là, j'ai trouvé tellement curieux qu'il ait fait ça que j'ai mis quand même. On commence à servir les cafés. Accessoiriste. Alors justement, ouvreur. Que faut-il pour faire chauffer le café ? Il faut une bouilloire. Enfin, une cafetière. Mais on met quoi dessous ? On met le feu, on met une on allume là. Résistance. On allume là. La torche. La gazinière. Oui, mais ça produit une... Flamme. Voilà. La flamme cuche. Non, je ne sais même pas ce qu'il cherche à nous faire. Il a été cracheur de feu. Ah. Pierce Brosnan. Oui. Ah, c'est génial, ça, comme profession. Mais je terminerai sur un... Faut pas avaler le produit. Ouais. Je terminerai sur un... Je ne sais pas si on peut appeler ça un petit boulot. Mais franchement, j'ai trouvé ça génial de le mettre. Un petit truc mignon. Qui... Laquelle a pu être caissière aussi, comme quoi ça mène à tout. Stéphanie de Monaco. C'est une actrice qui commence à avoir un peu d'âge maintenant. Qui est française ? Non, américaine encore. Bah oui, dans les Français, dans autre chose que les petits boulots du spectacle, en fait, j'ai pas beaucoup trouvé. Moi, je réfléchis à tes questions et je me dis en même temps, et si ça se trouve, Daniel, il a fait un petit peu de tous ces petits boulots, là. Bah, je vous en donne rien que j'ai fait, ouais. Parce que moi, je pensais, caissier, il me dit, mais je tiens à travailler pour un magasin, mais j'ai fait ce genre de choses. Pas longtemps, mais des petits bouts, des petits, oui. Non, ça, bah, je vais vous le dire tout de suite. On propose Britney Spears. Pour caissière, remarque, ça aurait pu le faire. C'est une actrice américaine. Angelina Jolie. Non. À cette époque-là, elle l'est pas. Allez, c'est Michel, son prénom. Pfeiffer. Yes. Michel Pfeiffer. Ouais. Ah oui. Ouais. Alors moi, oui, à une époque, j'ai fait un petit boulot. J'ai mis des pubs dans les boîtes aux lettres. Oui. Ouais. Ah, il fallait. Ils recrutent régulièrement. Hein, ouais. Pour ce genre faire chauffer la marmite, hein, de toute façon. Ouais. À l'époque, je t'avoue que c'était très bien payé. Ah ouais. D'accord. Ouais. Maintenant, ça y est plus du tout. Ah ouais, maintenant c'est. Non. On les voit courir pour en mettre le plus possible. Ouais. Ouais. J'arrivais à me faire. Plus de deux fois le SMIC. D'accord. Ah oui, c'était effectivement. Ouais, très et puis bien à un moment donné, tu te dis quand même, c'était bien, j'étais dehors, c'était bien, mais à un moment donné, tu te dis, on va peut-être pas se crever le cul, casser quand même. Hein. Ouais. Ouais, non, mais c'était bien. Mais maintenant, se faire le SMIC à ce boulot-là, faut y aller. Hein. C'est chaud, hein. C'est chaud. Donc, Michel Pfeiffer qui était caissière. Jennifer Aniston, elle a été sportive dans un petit boulot. Sportive ? Ouais. prof de sport ? Non, non, non. Elle était coursière. Coursière. J'allais dire couscoussière presque. Elle était coursière, mais avec un vélo. Hein. C'était pas un scooter, une mobilette, un Solex. Oui. D'où le terme physique. Oui. Voilà, c'est ça. Harrison Ford, ben, beaucoup le savent, il a été charpentier. Il a été Indiana Jones. Ouais, aussi, entre autres. Il a fait décorateur, ouais, menuisier sur les... Aussi, oui, c'est comme décor. Ça, je crois. Oui, oui, oui. Ouais, c'est comme ça qu'il a été recruté. Au début, il a été charpentier. Après, justement, il a été recruté pour comme être menuisier. L'acteur de, Indiana Jones, c'était pas bon, je sais pas quoi. Ils ont dit, le réal a dit, tiens, toi, tu vas faire des essais. Toi, tu descends du toit, là. Mais... C'est ça, tu vas tester. Mais toi, tu descends du toit et tu remplaces celui qui descend du singe. Ça, j'en avais entendu parler de ça. Bon, j'aurais peut-être pas la même carrière, mais c'est un peu la même chose qui m'est arrivé quand j'ai fait le petit rôle dans le premier court-métrage. Si tout va bien, je vais en faire un deuxième. Et en fait, il y avait une scène dans une boîte de nuit et il devait y avoir un videur. Celui qui devait faire le videur n'est pas venu. Oui. On est venu me voir, on me dit « Daniel, t'es le seul à avoir le gabarit du videur ». Souvent, c'est ça. Hein, c'est Et c'est comme ça des absences inopinées, oui, ben voilà. Des remplacements faits. Mais ça, on en parlera dans 15 jours. Hein, oui. On en fait un petit dernier ? Oui, alors, deux, parce qu'il y en a une quand même, il y en a qui ont fait des boulots bizarres. Ouais. C'est Whoopi Goldberg et Danny DeVito. Ouais. Whoopi Goldberg, je vous donne le vrai nom du travail, a été désérologue. D'accord. Désérologue ? Ouais. Elle a étudié le désert. Ça aurait pu être ça, avec sauf que pendules, c'est... Avec les pendules, les machins D-E-S-A-I-R-O-L-O-G. Non, alors là, c'est un métier, oui, qui existe et dont on a besoin. C'est esthéticienne pour les morts. Ah oui. Ah oui, d'accord. Voilà. Danny DeVito, lui, a fait l'autre partie, il a été coiffeur. Excellente série à voir pour ceux qui ne connaissent pas Six Pieds Sous Terre qui se passe dans une morgue. Je l'avais vu quand j'étais plus jeune, génial. Génial comme série. D'accord. Et Rod Stewart a été fossoyeur. Enfin, le dernier, Tim Allen. Ah oui, Tim Allen. On va pas qualifier ça d'un petit boulot, mais quand même, moi je trouve ça assez génial d'en parler. C'est pas très légal, voire pas du tout. Mmh. Hein ? Dealer. Exact, voilà. Voilà, tu sais de quoi tu parles, c'est ça ? J'allais dire. C'est pas forcément un petit boulot. Ouais, complètement. J'allais dire tueur sur gage, mais c'est mieux dealer finalement. Mmh. Ouais, ouais. Mmh. Ouais, complètement, ouais. Ah, bah on se remet avec un peu de musique avec tout ça. Hein. Oui. Ouais. Hein. Oui. Ouais. Ah, il faut bien ça. Hein. Oui. Ouais. Allez. Alors. Peut-être regarder, vu que tout à l'heure, avec les bugs qu'il y a eu. Non, c'est American Boy. On l'a eu tout à l'heure. Oui, on l'a eu tout à l'heure. Excusez-moi. Oula, il y a eu un... Alors là, je comprends pas. Donc... Alors, tu meubles un petit peu. Attends, tu meubles un petit peu. Oui, il faut passer chez Ikea pour meubler, c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Prends des tablettes. Là, c'est quoi, c'est... Oui, on y arrive à Nola. Moi, je vais être fatigué avec toutes mes conneries ce soir. Ouais. Faut pas que j'aille trop loin, sinon ça sera pas bon. Non. Je comprends donc, pas. Oui, si vous venez d'arriver, bah. Voilà, c'est ça. On est à la fin de l'émission quasiment. Oui. Donc, faudra pas hésiter à aller écouter le podcast ou regarder la rediffusion sur Twitch si vous voulez nous voir en plus. Oui, la rediffusion est disponible une semaine. Hein. C'est ça. Donc, il y a le temps pour regarder. Donc, n'hésitez pas à regarder les œuvres de Sensei 3D qu'on a eues, que ce soit Pikachu qu'on a juste devant. Et puis, Les livres, les miens. Oui. Hein, que ce soit Le Vin de Lune ou Le Maître de Tomo. Oui. Vu que j'étais en train de chercher les autres choses visibles autrement qu'il y avait, donc j'étais un peu en galère. Oui, alors les boîtes justement peintes par le Sensei 3D. Oui. Hein, de penser un peu à Thierry avec sa cuisine et surtout sa. Les plantes, là, son jardin un peu extraordinaire. Oui. Hein ? Une petite pensée pour Lisa quand vous ferez du théâtre. C'est ça. Mais on en reparlera peut-être un petit peu ou d'autres arts vite fait tout à l'heure après Nola. Parce que là, je crois qu'on est un peu. Ouais, je crois aussi. Fatigué. Complètement fatigué, je ne te le fais pas dire. En tout cas, c'est sur Indestar. Ah, bon sang, mais ce soir. Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see LA. Kick it with you. You'll be my American boy. He said, hey sister, it's really, really nice to to meet ya. I just met this 5'7" guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is speaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath them. And no, I've been to MIA. I heard that Cali never ends and New York's wide awake. First I see the West End, show you to my bedroom. I like him, this American boy, American boy. De la pop culture, c'est les Peak Avengers sur Indestar. Nous ne sommes pas trop vieux pour ces conneries. Tu feras gaffe, vu que bon, tiens, je crois qu'il y a la musique qui a été lancée encore. Oui, justement, je l'ai arrêté. Non, mais depuis le début, je suis perturbé là. Oui. Voilà, allez. Oui, c'était. Oui, donc on en est à la fin de l'émission. Donc merci à ceux qui ont été sur le live Twitch de nous avoir suivis, vu que c'est important de vous remercier aussi quand même. Merci à ceux qui nous ont écoutés également à la radio. Il faut également le faire. Complètement, faut pas les oublier. C'est vrai qu'avec Twitch, on interagit. Alors, on a peut-être tendance à plus en parler, mais c'est avant tout une émission de radio. Donc, on crée une émission de radio. On pense beaucoup à nos auditeurs radio. Et c'est pour ça que y a aussi possibilité de nous appeler au 09 70 407 306. Oui, et c'est pour ça aussi qu'on se met un peu dans un rôle de double animateur. Daniel prend plus en marge la partie radio et moi plus la partie Twitch. Et puis comme là, ça ne permet de pas se mélanger, de ne pas se surcharger non plus. Et comme ça, on se concentre vraiment sur une tâche. Oui, sauf que là, j'en ai fait des conneries ce soir. Oui. Mais remarque, tu continues sur ta lancée, c'est quand de la semaine dernière. Ça montre bien qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Oui. C'est ça. Complètement, complètement. Et qu'on prépare les choses et qu'on est dans l'impro aussi de recadrer sans arrêt. C'est ça. Oui, complètement. Mais nous sommes suffisamment libres pour retomber sur nos pattes. Oui. Et en plus, oui, on y retombe. Donc, ce qui fait que, de toute façon, la meilleure école, c'est de faire des conneries. Hein. Oui, bah oui. Ah, bon, alors ça dépend quelle connerie. Après, il y en a qui vont me dire, ouais, mais ils n'auront pas tort. Bah, tout ça dans la bonne humeur, c'est le principe. Bah, c'est ça. Et si vous voulez voir ça de plus près, rejoignez-nous. Hein. Oui, c'est ça. Oui, on vous attend. Oui. Donc, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une émission sur les gosses. Donc les enfants, tout ça. Demain, il me semble qu'il y a une spéciale Halloween. Oui, c'est ça. Qui est prévue. Mercredi, il y a la classe qui est là aussi. Donc, restez à l'écoute. Et puis, nous, on se dit à la semaine prochaine. Eh bien, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut les artistes. Et donc, on va se laisser en musique aussi, quand même. Complètement. C'est laquelle? C'est Jonathan Young, c'est ça? Oui, c'est Jonathan Young. Restless Heart. Donc, on va se laisser sur ça. Gros bisous à tout le monde. Merci d'avoir été là. Donc, c'est important de leur dire, même si bon, on pourrait croire que je radote, mais c'est hyper important. Merci d'avoir interagi avec nous, parce que ça, ça nous fait très plaisir. Oui, d'avoir des retours, sachant qu'en plus, bon, on est une émission qui lance. Donc, gros bisous à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et on se dit à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. Pika, pika, pika. Les podcasts Indestar, toutes vos émissions préférées, où vous le voulez, quand vous le voulez, sur indestar.fr et sur toutes les plateformes internet.